Régulièrement, ça peut être plusieurs fois par semaine en Belgique. Très régulièrement, donc. Voilà, très régulièrement. Et en fin de compte, il achète des seaux de tabac, voire également des paquets de cigarettes. Et il les ramène. Et en fin de compte, il les revend plus cher qu'il les a achetés. Mais alors, je ne savais pas. Je suis passé pour un idiot il n'y a pas longtemps auprès de potes à moi. Ce que c'était un seau de tabac. Oui. Je ne savais pas que ça existait. Et je ne savais pas qu'on achetait le seau. Et qu'il y avait des petites machines avec des clopes vides. Oui. Et que clac, clac. Tu fais clac clac avec le truc. J'ai vu des tutos sur YouTube parce que je ne savais pas que ça existait. Des tubeuses. Ouais. Des clac clac. Ouais. Et voilà, je ne savais pas. C'est beaucoup moins cher, oui. Si alors, t'as 5 litres de tabac ou t'as 10 litres de tabac? Ah, ton petit cancer en peau. Oui, c'est ça. C'est mignon, ça change. Pour l'avoir toujours à côté de toi. Non, mais c'est incroyable. Et donc, c'est beaucoup moins cher en peau. Oui. D'accord. Et c'est moins cher en Belgique qu'en France? Ouais. Ah oui, c'est moins cher. Oui, c'est moins cher. Ah, comment s'appelle ton pote? Jérôme. Il habite où, Jérôme? Il habite sur Boulogne, sur mer. D'accord. Ce qui n'est pas interdit, c'est de l'acheter, mais ce qui est interdit, c'est de le revendre, par contre. Mais non, mais ce qui est peut-être interdit, c'est d'en ramener beaucoup. Oui, c'est limité. C'est limité, on est d'accord. À combien? Je sais plus, c'était. Pour l'Espagne, c'était deux cartouches et demie. Ouais. Donc après, je sais pas, pour la Belgique, c'est pareil. Vous savez quoi? On donnera ça à W9 quand ils font un truc de reportage. Sûr, c'est, c'est pour toi, pour le personnage? Oui, voilà. J'en ai aucune idée. Donc, c'est pour avoir des renseignements. Je crois que c'est deux cartouches par personne. Bon, vous savez quoi? On appelle. Je suis. Alors, je suis. Christophe Nicotine. Non. T'es monsieur, pas mal. T'es monsieur Rousseau? Pourquoi? Parce que t'es douanier. Oh là là. C'est drôle. Et t'es sans filtre. Voilà, ok. Tu dis ce que tu penses. On y va, c'est parti. Monsieur Rousseau. On y va, on appelle. C'est parti. Il s'appelle Jérôme. Monsieur Rousseau, douanier. Chanson de vieux, donc. Compagnie créole. Vive le douanier. Tu fais des tableaux. Rousseau, comme dans les tableaux. Allô? Allô? Oui, ne quittez pas. Oui, allô? Oui. Bonsoir, monsieur police des douanes à l'appareil. Bonsoir. Je vous appelle dans le cadre de l'opération de répression des fraudes sur les territoires belges et français. Oui, c'est-à-dire? Bon, monsieur, donc nous avons les plaques d'immatriculation, vous vous rendez souvent en Belgique? Bah, oui, par le biais de mon boulot, ça peut m'arriver, effectivement, ouais. D'accord, quel est votre travail, monsieur? Je suis commercial. D'accord, commercial en quoi, monsieur? Dans la peinture. Dans la peinture, très bien. Oui. Vous faites beaucoup d'allers-retours, monsieur? Bah écoutez, j'en fais quelques-uns, après je les comptabilise pas, donc je sais pas vraiment. Est-ce que vous y faites des achats, monsieur? Est-ce que vous y faites des achats, monsieur? Ça peut m'arriver. D'accord, de quel type? Bah écoutez, je suis fumeur, donc ça m'arrive de ramener du tabac. Je note, monsieur est fumeur, d'accord. Du tabac, quelle fréquence, monsieur? C'est-à-dire quelle fréquence les allers-retours? Oui, c'est ça, absolument, monsieur. Oui. Bah, c'est en fonction de mon boulot, donc je vous dis, je l'ai compté à pisson, mais je comprends pas vraiment le biais de cet appel. Enfin, je comprends pas. Je suis un peu étonné, en fait. Bon, écoutez, monsieur, tout ça est très bien tenté. Maintenant, faut nous dire la vérité. Mais quelle vérité? Monsieur. La vérité. Monsieur, on va faire simple. On va arrêter de jouer au rigolo, au chat et à la souris. Je ne joue pas en monsieur, rigolo. Monsieur, vous avez été dénoncé, monsieur. Donc, du coup, nous avons diligenté une enquête resserrée sur vous. Nous savons, et nous avons à ce jour assez de preuves pour vous inquiéter de trafic de cigarettes, monsieur, et de tabac. De trafic de cigarettes. Nous avons les vidéos, tabac. Monsieur. Oui, donc, je vous repose la question, monsieur, écoutez-moi. Ramenez-vous régulièrement du tabac? Oui, je ramène du tabac régulièrement. Non, j'en ramène effectivement. Après, je ramène pas tout le temps à chaque fois que je vais en Belgique. Enfin, c'est pour le boulot, donc j'en ramène, oui. Mais combien, monsieur? Combien, monsieur? Bah écoutez, je sais pas, ça peut aller à... J'y vais par exemple une fois par semaine, je vais ramener 3-4 cartouches, et éventuellement plus, 2 ou 3 seaux. Et 2 ou 3 seaux plus 4 cartouches. Monsieur, selon l'article R21, alinéa 8 du Code des douanes, vous écoutez, vous êtes avec moi? Bah oui. Voilà. Vous êtes redevable, monsieur, d'une amende de 1 500 € et d'une ouverture de casier judiciaire, monsieur. Bah dis donc, excusez-moi, mais à la douane, vous travaillez tard pour demander des 1 500 €. Monsieur, vous auriez avoué tout de suite, monsieur, j'aurais pu me montrer clément. Vous avez tenté de noyer le poisson. Je me vois dans l'obligation de vous verbaliser, monsieur. Bah écoutez, verbalisez-moi, mais déjà, vous n'avez pas mon nom. Monsieur, vous payez comment? Franchement, j'ai pas de sous pour payer votre amende. Je comprends pas vraiment. Monsieur, il y aura un recouvrement si vous ne pouvez pas payer. Donc, vous acceptez les faits? Bah, ça dépend ce que vous avez noté sur votre rapport. Je sais pas, vous êtes en train de taper l'ordinateur, j'entends derrière. Oui, monsieur. Oui, je suis en train de. Alors, écoutez-moi bien, monsieur. Oui. selon l'ordonnance Las Palès. Vous pouvez bénéficier d'une remise de peine, monsieur, si vous promettez d'arrêter de fumer. L'ordonnance Las Palès. Pardon, excusez-moi. Allez-y, je vous écoute. Merci. Vous avez une remise de peine si vous me répétez la susdite phrase. Je dois répéter une phrase, c'est ça. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Ouais, ça c'est les trois frères, le pari. C'est bien ça. Monsieur. Belle référence. Monsieur. Oui, excusez-moi. Nous annulons l'amende si vous répétez. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Ah bon, j'écoute. Bah alors allons-y. J'écoute, monsieur. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Trois fois, monsieur. Non, mais c'est une blague, là. Franchement, c'est une blague. Monsieur, faisons vite. Alors, le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Et le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Je note que vous avez participé de vous-même. Mais c'est une blague, c'est pas possible autrement. Monsieur, nous sommes toujours à 1500 euros d'amende. Nous sommes sur une remise totale de peine, si vous répétez. C'est toi qui fumes, hein, salope. Non mais je vais commencer à être malhonnête parce que ça commence à m'énerver, j'ai pas ce qu'à faire. Monsieur, en fait, quoi, ce soir. Monsieur, s'il vous plaît. Je vous écoute. Oui. Je sais même plus ce que vous m'avez dit tellement c'est, ça me perturbe. C'est toi qui fumes, hein, salope. Vas-y. C'est toi qui fumes, hein, salope. Monsieur, on va vous demander de faire avec juste de conviction. Monsieur, j'ai mon collègue qui vient de dire, est-ce que vous pouvez le jouer un peu mieux? Si vous pouviez imiter la voix du comédien. Mais à vous. Quel comédien? C'est toi qui fume, salope. C'est toi qui fume, hein? Hein? C'est ça. Jérôme, je m'appelle Claire. Jérôme, bienvenue chez nous. Je te présente ton camarade Jeff, ça va? Ouais, Jérôme. C'est Jeff qui a tout balancé. C'est toi c'est qui fume. Hein. Quelle enfoirée. T'as flippé un peu ou pas? À la fin, il a eu un petit doute à la fin. Ah, il a eu un doute quand même. Ah, il a eu le. C'est quand il a fallu dire la phrase. Oui. Je crois que c'est l'amendement Las Palès qui l'a fait tilter. Jérôme, arrête de fumer, c'est pas bien. On te fait un gros bisou, mon ami. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Maman m'a dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, s'attendre à merci. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse. Maman m'a dit de ne jamais oublier d'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous l'accueil est inné. Sauf que tu es te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a su. Mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit le monde il est fêlé. Change avec ton humanité. C'est comme ça la vie. Oui offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer. C'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit laï laï laï laï la la laï laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse. Maman donne meilleur conseil que la nuit. Maman donne meilleur conseil que la nuit. J'ai dit maman donne meilleur conseil que la nuit. Maman donne meilleur conseil que la nuit. Maman... c'est Mickaël, on est sur NRJ tous les soirs, hein, de 20h à minuit, en tout cas pendant toute cette semaine. Si vous voulez nous appeler, eh bien vous pouvez y aller dès maintenant, 01 40 71 5000. On est en décembre. Noël arrive. C'est une fête magique. On célèbre l'amour, l'amitié, la joie. Noël, c'est féerique. La joie, la bonne humeur, la famille. Toutes les nuits, ils sont là. Ils sont là. Mickaël, Tof, Polo et Amina. Ils terminent l'année en beauté. La vie est un combat. Une lutte entre le bonheur et le malheur a lieu. Tous les soirs, choisis ton camp. Tu aimes sourire et tu aimes rire. Tu es le bien. Bien. Tu es mauvais et tu te plains. Tu es le mal. Pressé de finir 2018. Une année mouvementée. Beaucoup de rire et d'amusement. Des problèmes et de grands moments. Ah, oh, vous êtes génial. Ça se termine bien. Et heureusement. Sans conflit et calmement. Et pourtant, après avoir subi des problèmes, des changements d'horaire, de grosses galères, des changements de studio, des changements de pays, des galères d'argent, une expulsion, une révélation, l'année se termine. Mickaël et toute la team vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année sur NRJ. Twitter, Facebook et Insta. Mickaël officiel. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On est en direct sur NRJ, comme tous les soirs d'ailleurs. 01 40 71 5000. Si vous voulez passer en live dans l'émission, vous êtes évidemment les bienvenus. Olivier de Rennes qui a envoyé un message sur Facebook. Bonne fête à toute la team, Mickaël. Salut Olivier de Rennes. Bonne fête à toi également. Coup de pelle dans la face de Fig. Qui est évidemment au Vater, comme d'habitude. Hein. Il se balade. Bah voilà, comme d'habitude. Fumé, comme d'habitude. Amina va bien, elle est en pleine forme. Bonsoir, oui, je suis très contente. Je pensais avoir reçu un cadeau de Noël. Ah ouais? Parce que ma gardienne m'a interpellée tout à l'heure et en fait je viens de... C'est des emmerdes. Bah non, même pas, c'est un vieux colis que j'avais commandé en septembre. Et après elle va se plaindre. Après elle va dire ouais, et Amazon, machin, et ils livrent pas. Mais en même temps ils livrent et tu prends pas les colis. Non mais attends, Amazon qui me livre en décembre alors qu'ils devaient me livrer en octobre, c'est pas une blague. Mais c'est un détail. Ouais, c'est ça, ouais. Jamais contente, hein. Ça fait des mois du coup que je suis en galère à cause d'eux là. Mais c'est pas normal, c'est pas normal, il doit y avoir un truc. T'as dû, c'est un truc de Chine apparemment. Bah oui, donc c'est normal. Mais, par contre, il y a un truc que je comprends pas, tu voulais embrouiller ta gardienne pour un truc que t'as fait livrer à la radio. En plus. Mais non, j'ai pas livré chez moi. Ah bon. C'est quand je suis sortie, elle m'a attrapé en me disant votre colis, votre colis. Et ça se trouve c'est pas Amazon, ça se trouve c'est ta poste qui fait la grève. Ah, donc en fait quand c'était colis, Polo, là tu en veux à la terre entière et c'est Amazon, c'est des connards, on commande plus sur non, internet. Non, j'ai pas dit que c'était Amazon, moi je te parle des transporteurs. J'ai jamais critiqué Amazon. Moi j'ai critiqué ces connards de, comment ils s'appellent, DPD ou de... Non mais le transporteur, comment ça s'appelle Tof là? DHL. Je crois que le fait de préciser, c'est encore pire que... Mais non, parce que l'autre mongolienne, là, l'autre abrutienne, j'ai tapé une barre, pote. C'est ça, c'est ton pote. Non, mais attends. C'est pas mon pote. Mais c'est toi, mon pote. Mais non, allez, je suis pas... bienvenue, donc, bienvenue moi, dans les embrouilles. C'est les transporteurs et ces espèces de connards qui me passent leur gros cube pour aller te sonner à la porte. Pour ceux qui veulent voir de vraies embrouilles, donc il y en a eu une belle, plusieurs même, dans un seul unique jeu. C'était hier soir, évidemment, dans le Chrono Quiz, qui est évidemment disponible sur Instagram dans le live vidéo MIK. Elle officielle et pareil sur Facebook, vous pouvez également aller voir tout ça, bien entendu également sur Mickaël officiel. Et en parlant de ça, je vous l'annonce plutôt, que ce soir je vous offre une Nintendo Switch sur le compte Instagram ce soir. Voilà, donc pour gagner c'est facile, vous allez... Oui, Tof en a une, hein. Il peut vous donner les informations techniques en cas de besoin. Et bien je vous l'offre, la Nintendo Switch. Pour ça c'est facile, il suffit de venir me follow sur mon compte Instagram Mickaël officiel, c'est pas compliqué. Et puis après, bah, je tirerai au sort un de vos likes ou commentaires et à 22h30 précise, je donnerai le nom ou le pseudo Instagram à l'antenne et vous aurez 15 minutes pour arriver à nous appeler au 01 40 71 5000. Vous y arrivez, vous gagnez, vous n'y arrivez pas, on remet la console en jeu. C'est aussi simple que ça. Ouais. Non mais voilà, comme ça au moins c'est simple, les choses sont claires, efficaces, tout est bon. Donc si vous voulez gagner, eh bien venez me rejoindre sur le compte Insta MIKL officiel, les amis. Passez le message autour de vous également s'il y en a qui veulent gagner aussi. Toi va bien? Écoute, il va très bien. En parlant de colis, moi je voulais remercier les éditions Marabout qui m'ont envoyé plein de questions pour le Chrono Quiz. Ah bon? Oui, c'est une façon de parler, c'est des vrais marabouts, c'est ça? c'est le jeu de Cyril Hanouna Apéro Baba, et donc il y a plein de questions qu'on pourra récupérer pour le Chrono Quiz. Ah, et bah, donc, très je tenais à les remercier de nous avoir envoyé ça. Ça m'a fait vraiment plaisir. Eh ben écoute, j'imagine. Bon, bah, c'est peut-être une bonne nouvelle. Ça va surtout m'éviter de travailler. Oui. Mais en fait, du coup, maintenant, je pense que ce serait pas mal que je vais réfléchir à un nouveau truc pour le Chrono Quiz. Non, mais si tu veux, tu prends les questions directement dans le truc, dans la boîte. Ben voilà, c'est ce que j'allais faire parce que pour l'instant, Toff partait avec un avantage puisque lui faisait les questions, donc il les avait en mémoire. Bah on se demande pourquoi il gagne à chaque fois. Bah pas à chaque fois, mais alors que là, il peut plus les avoir en mémoire. La question, mais t'as vu les réponses ? Une pâtisserie. Alors en même temps, alors que je les écrive ou pas, ça change pas grand chose. Non mais attends, il y a des questions qui sont plus compliquées. Parfois il peut y répondre. Alors je ne dis pas qu'il peut pas le savoir, mais le fait d'avoir la question et la réponse en mémoire peut aider, on va dire. Ça peut aider. C'est logique. Ça peut aider. Donc voilà. Donc à partir de la semaine prochaine, nous n'aurons plus cette possibilité. C'est terminé. Tu vas couler, Toff. Bon, exactement. Gros tas de merde. Ce sera pas la première fois. Tiens, il y a un message qui dit je viens d'allumer la radio et je tombe sur ta voix chaude, Mickaël. Oui, c'est vrai. Ouais. Complètement cassé, surtout. Ça, j'ai tellement hurlé hier. Oui. Tellement hurlé hier dans ce chrono quiz. J'ai pire que des gosses que j'avais devant moi. Nous ? Mais non, oui, comment ça ? L'autre qui dit si elle revient, je m'en vais. Si elle revient, je reviens. Avec Polo qui était viré au premier round. Bah, toi ? Attends, mais parce que vous trichez, toi, et on a rien, mais arrête. Mais moi, j'ai regardé là. La vidéo, tu t'es super vénère, t'as limite insulté Julien Lepers, c'est tout, t'as fait des doigts, t'as pété un bout. C'est toi qui m'as dit Julien Lepers de chez Lidl. Non, premier prix, j'ai dit. Premier prix, voilà. c'est pareil. C'est ça, alors que c'est, moi, j'étais pas encore en faute. Enfin, bon, bref. Après, tu t'es allé voir la vidéo. Et Mickaël officiel, c'est faux. Il y a Aaron qui est avec nous maintenant à Mulhouse. Salut, Aaron. Bonjour. Tu sais que c'est toi, Aaron. On dirait un petit bonbon au miel. Ça va, Aaron? Oui. T'as quel âge ? 11 ans. Oh bah alors, mais qu'est-ce que tu fais là ? En fait, je voudrais parler d'un petit truc, mon copain. C'est marrant cette voix. Non mais on rigole pas de toi, Aaron, hein. c'est juste marrant. Raconte-nous tout, beau gosse. Bon, qu'est-ce qui se passe, ma gueule ? En fait, c'est un pote, il est mal dans son corps. Il se sent pas bien dans son corps. Mais quel âge il a, ce pote ? 11 ans. Il a 11 ans. Ouais, bah écoute, tu vas lui dire qu'il change de pantalon. C'est peut-être le pantalon qu'il le gratte. Peut-être trop serré, ouais. Non, mais attends, mais qu'est-ce que t'appelles mal dans son corps ? C'est avec les deux cassos, là. Merci. Ben en fait, on aura bientôt piscine. Ouais. Moi, comme je cours de piscine, suis donc, ouais. Un peu rond. Ouais. Et maigre. Et ben, il voudrait être comme moi, mais moi, je lui dis ouais, mais toi, t'es bien dans ton corps. Bah oui. Comparé à moi. Mais ça, tu sais, le problème, je vais te dire, c'est que chaque personne, tu sais, quand t'as des complexes, tu peux dire, ouais, mais par rapport à moi, t'es quand même vachement mieux. Mais ouais, mais à partir du moment où t'as un complexe, même si tu sais que t'es peut-être mieux par rapport à d'autres, tu vas automatiquement te dire que t'es moins bien par rapport à d'autres encore. Bah oui, c'est dans la tête. Hein. Et donc, du coup, t'as beau dire, bah franchement, moi, je voudrais bien être comme toi, bah tu sais, ça va rien changer. Hein. Mais c'est bien d'en parler, cela dit. Alors, t'as quoi comme complexe, Amina, si t'en as ? Aucun, moi je suis une bombe de meuf. Non. Bah, j'en ai plein, ça dépend. En ce moment, j'ai des problèmes avec mes cheveux blancs, ça commence à me rendre dingue. Beaucoup. Bah, j'en ai trois et j'ai surtout mes poils de sourcils blancs. Mais arrête de les compter. Non, mais ça me saoule. Des sourcils blancs, viens, génial. J'ai mon stylo, je vais te l'éteindre. Là, je l'ai laissé pousser. Là, j'en ai un blanc comme neige. Là, ça commence à me faire chier. Celui-là, je le veux en paix. C'est l'hiver, c'est Noël, là, Mina. Et sinon, en ce moment, dans les trucs ultra visibles, c'est genre ma putain de ride du lion, là. À force d'être énervée, j'ai ma ride du lion qui se creuse. C'est la ride qu'il y a entre les. Laquelle, celle-là, là, regarde, celle-là. C'est comment elle est plus lente, la mienne. Ouais, bah ouais, mais sauf que t'es un petit peu plus âgé que moi. Donc bon, c'est pas. Sur cause. Oui, mais à 2-3 ans près, ça change tout, tu vois. Je l'ai toujours eu, moi, je suis né avec. C'est vrai. Je suis deck, donc voilà. Bon, on va en parler, tiens, justement, des complexes, si vous en avez et comment vous avez fait pour vous en débarrasser éventuellement. Bon, Aaron, reste avec nous. On va parler avec toi dans un instant. Il y a de Prince Karma qu'on écoute tout de suite. Et n'oubliez pas, pour gagner la Nintendo Switch, je venais me follow sur le compte Instagram MIKL officiel. Tirage au sort parmi l'un d'entre vous à 22h30. Voilà, ça continue Noël. C'est cool. Passez une bonne soirée, tout le monde. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Just take another drink with me. Thanks. Later, bitches.

that you shouldn't fall asleep. It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Amina surkiffe Noël. Wow. Elle a trop d'amis, des vrais, des faux, des jeunes et des gros. Un Noël réussi. Ça se passe sur Énergie. De 20h à minuit. Et sur Facebook, Twitter et Instagram, MIKL officiel. Et oui, bien sûr que nous sommes connectés sur Énergie tous les soirs. Et nous parlerons donc dans un instant des. Merde, je disais tout à l'heure. Des complexes. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Des complexes. Moi, dans un instant. Ben oui, on fera le tour justement. On écoutera dans un instant aussi Vita. Et pas du tout ce titre-là, en fait, avec l'image, je me suis gouré. Il y aura David Guetta, en revanche, ça c'est le bon. Il y aura le son de Angel. Et le son de Extentation également. Avec Maluma. Ça va arriver dans un instant sur Energy. RIP d'ailleurs. Eh oui, bah oui, effectivement, il est mort. Allez, on va maintenant connectez-vous sur MIKL officiel sur Instagram. De 1 parce qu'il y a une Nintendo Switch à gagner. Et de 2 parce que oui, je tire au sort vers 20h, 22h30, l'un d'entre vous sur Instagram. Cadeau. Et en attendant, eh bien, nous avons reçu des colis. Ah, des cadeaux. C'est pas pour toi, c'est pour lui. Pourquoi c'est pour lui? Non, parce qu'il écrit à son nom. C'est à mon nom, mais après. C'est son je nom pense de l'émission. Que... Non, MIKL, perso. Avec son vrai nom. Avec mon vrai nom et tout. Hein. Miguel Fons. Ouais, parce qu'il faut dal portugais. Je veux savoir que je m'appelle Robert en vrai. Hein, c'est vrai. Non, pas du tout. Il a... Bon, alors attendez. Ah, le gros colis, putain. En plus, il y en a 3. Non, mais attends, c'est un colis de 6,9 kg. L'autre, il est à 4,7 kg et l'autre est à 6,7 kg. Attends, moi, je débarque. Je veux voir. T'as rien demandé. Viens pas, va tout voler celle-là. Là. Bien sûr qu'elle va tout voler. Avec ses origines. Oh, mais tof. Ce mec est un raciste. Mais c'est un truc. Hein, il a dit, c'est. Il va, je lui ai dit, elle va tout. Elle va tout voler. Toi, tu bégayes, t'as peur de WAM. En attendant, vous voulez que je parle de WAM? Je voulais que je vous raconte une petite blague. Non, ça ira. Et il a dit, il va tout voler avec ses origines. Oh, un showman. Un Mickey. Oh, ah, c'est trop mignon. Un Pluto. Oh, j'adore Pluto. Et de la bouffe. Ah. Eh ben non, c'est effectivement Polo avait tort. C'était bien et bien mon nom, mais il y a des cadeaux pour chacun. Ah, quand alors, même. Il y a des popcorn pour Polo. Tout est nominatif. Hein. Ah bon, t'aimes les voilà, popcorn. Des popcorn. J'adore ça. Il y a des Pringles classique paprika pour Top. Ah. Allez, hop là, voilà. Ah, alors. Adorable. Il y a des Oreos pour AL. C'est qui AL? H-A-E-L. Alal? Non, pas Alal. alors, il y a de la confiture de tout et n'importe quoi pour Toff. En fait, c'est trucs chelous, c'est pour ça. Jette-lui. Ouais, bah, non, après, c'est juste. Et la confiture, c'est pour manger avec les Pringles, du coup, ou il n'y a pas de lien? J'en sais rien, moi. C'est mignon. Ah, ouais, d'accord, ok, c'est un truc de Morito, genre. tout préparé, donc ça c'est pour moi. Un kit de Mojito. Al, c'est pas Amina? Des Kinder Bueno, c'est pour moi. T'es sûr? Attends, il a pas regardé, c'est pas vrai. C'est un mytho. Il y a des Lindt pour toi, tu préfères les Kinder Bueno ou les Lindt? Kinder Bueno. Arrête de bouffer, Toff. T'as failli prendre dans la tête, je t'ai sauvé. Je viens de sauver Toff. Pourquoi tu t'enlèves, t'as mis ta main, toi? Ça lui aurait fait trop mal, miskine. Ah, un cadeau qui va plaire à Polo. Un Waterman et des cartouches d'encre. Polo va pouvoir écrire au stylo à plume. Ah, c'est un beau cadeau, ça. Ça, c'est un beau cadeau. C'est des sneakers pour moi. Bon, moi, j'aime pas ça. Qui veut des sneakers? On fait le déballage. Moi, je suis pas fan. Mais qui est Shaël? Bah, écoute, Shaël. C'est alors, quelqu'un d'autre, une autre émission peut-être. Attends, et il y a même des. Non, mais attends, il faut filer un cadeau à cette. Non, mais il faut arrêter, fallait pas, c'est trop. Attends, là, c'est encore un truc pour moi. Tu m'as acheté un nom blanc. Amina. Ah! Voilà, je croyais que j'allais le mettre. Ça, c'est un livre pour Polo. Mais il faut pas acheter ça, d'être. Mais c'est ouf, les gens, de faire des gros cadeaux comme ça. Ah, ça, c'est une bonne idée. C'est série limitée de l'eau de toilette pour Toff. C'est comme il pue. Non. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, comme il pue. Alors, attention. Non, lance pas ça, ça va péter. C'est protégé. Attrape, vas-y, balance. À la 3. Oh là là, je crois que ça allait tomber sur l'ordi. Alors, fragile, ça, c'est pour. Ça vous intéresse? Moi, j'ai eu une écharpe. On bat les couilles. Un foulard. On s'en bat les couilles. Il y a pas de nom. Ça, c'est pour moi. Et putain, je suis gâté. Moi, j'ai. Mais moi, je vais vérifier quand même ce truc de c'est pour moi. C'est et pour moi. Ça, c'est pour moi aussi. Non, c'est vrai. C'est un livre sur le système solaire. C'est un très bon choix, ça, pour le coup. Bon, c'est une revue, Mickaël. C'est pas un livre. On expliquera un jour. Ça fait un carton. Et il y en a encore d'autres. On le fera tout à l'heure. Parce que j'ai peur que c'est. Elle, on fout pas partout, Toff. Putain, pour le même prix, ça pue. T'as pas testé avant. On sait jamais. Oh la vache, c'est de l'eau de Cologne. C'est ouf, quand même. Non, c'est de l'eau. Ben en tout cas, merci. Hein. C'est Stéphanie, j'ai pas donné son nom, dans le 02, qui nous a envoyé ça. Il y a encore deux autres colis. On fera une autre vidéo de live tout à l'heure pour pas que ça. Ça va, elle te connaît. Hein, c'est quoi comme livre? C'est ça. Sur les bécanes. Oh ouais. Il fallait pas. Quoi? Ouais, je t'emmerde, c'est pas non. Pour toi. Et ça prouve que Polo est content parce que. Enfin, ça lui fait. Ça, c'est un beau cadeau. Parce qu'il ne dit rien. Ah, tu vois, sinon, il aurait dit c'est de la merde. Non, c'est de la merde. Merci beaucoup. Eh bah écoute, attends, parce que moi j'ai d'autres trucs que j'ai pas encore ouvert là. On va pouvoir manger là. Toff, t'es pas dans ta salle de bain à un moment donné, man. Lui dis pas ça, il va venir avec son, il va écraser ici. Ça, c'est un beau cadeau ça. C'est un truc pour la voiture, atténue les rayures. Ah, c'est pour toi ça. Ça, c'est quelqu'un qui écoute l'émission H24. Ah bah oui. Bon, écoute, bah merci. Alors, il y a un autre truc. Ah non merde, ça c'est un truc Monsieur Drone, ça peut être cut off, ça y a pas de nom donc. Ah bah oui. Il y a une petite lettre, elle a pas mis de carte postale, c'est dit que tu valais pas le prix de la carte. Tiens, hop là, voilà. Alors ça c'est pour moi aussi. Ah excusez-nous hein, vous pouvez voir tout ça filmé en live sur Mickaël officiel si ça vous intéresse. Y a on va juste récupérer un petit bémol. Jam et Aaron dans un instant. Juste un petit bémol, j'aurais préféré que tu achètes des cartouches d'encre noire mais bleu. Quel enfant gâté. C'est clair, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour rire. Ah, une peau de chamois pour ma voiture. Ah bah comme ça, tu vas pouvoir briquer. Et voilà, en fait, c'était pour tout le monde. Il y a sur chaque face. Ah, d'accord, j'avais vu qu'il y a une petite lettre. Eh bah écoute, merci Stéphanie, on ouvrira le reste après. Bah écoute, fallait pas. C'est gentil, hein. Ah ouais, mais. C'est juste que je sais pas trop quoi dire parce que nous n'avons rien pour toi. C'est ça le problème. Bah oui. Ah ouais, putain, Amina, par contre, l'autre de l'émission, elle s'est lâchée. Sans deck. Oh la vache. Oh là, mais putain. C'est l'autre toilette des robeux. Ah, Amina, c'est l'autre toilette des robeux. Ah, je t'en remets un peu, Amina. Non, c'est bon. Bravo. Non, mais c'est Jean Belge qui se la ramène. C'est bon. Je rêve. Bon, je m'en vais, hein, merci. Hein. Merci en tout cas. Amina, t'as pas le beignet en rond là? Ma grand-mère, elle l'a. Elle se barre avec des Kinder. Bah, bien sûr, elle se barre avec des Kinder. Non, mais je te jure. Bon, voilà, la vidéo est dispo sur Instagram. On va vous la poster sur Facebook également. Vous allez pouvoir la voir. Merci. Et puis, on déballera les autres boîtes parce qu'il y a deux boîtes encore de 6 kilos chacune quasiment là. Dispo qu'on va déballer. Laisse un peu la porte ouverte, Amina, parce que. Non, mais Toff, il a vidé le truc, cet abruti. Il est bête, voilà. Celui-là aussi. Elle a dit que ce serait mon année, donc j'espère que ça sera mon année. Ouais, bah, c'est ça. Bijam est avec nous à Melun. Ça va, Bijam? Oh putain. Aurora. Allô, Bijam. Bah Bijam, t'es où? C'est un routier, il a du mal à récu. Bijam. Bijam. Bon, écoute, on va le prendre après, c'est pas grave. Il y a bon Aaron, le retour toujours à Mulhouse. Allô Aaron. Tu veux? 16 ans. Qu'est-ce qu'il y a, 16 ans? 13 ans, il est. T'as 13 ans? À l'école. Non, 13 ans. Ah, présent, je croyais que t'avais dit 13 ans. Mais non, il fait comme tu fais l'appel, quoi. Oui, bon, effectivement. Bon, Aaron. Qu'est-ce que tu veux? Non, il y a pas de qu'est-ce que tu veux. Tu nous avais appelé parce que t'avais un problème. Enfin, t'as un copain, toi, qui est assez complexé par son corps, mais il a aussi 11 ans, Aaron, j'imagine, comme toi. On n'a pas l'habitude d'avoir des tout petits comme ça, parce que nous d'habitude on est là à 23h, donc normalement ils dorment. Donc peut-être qu'ils écoutent, mais en tout cas ils ne passent pas l'antenne pour peur de représailles avec les parents. Normal. Des raisons évidentes, bien entendu. Et donc du coup, on n'a pas trop l'habitude, on est un petit peu perturbé. On n'est pas impressionné par toi. Nous on a des routiers, tout ça d'habitude. Alors, ça change de Maxwell et Jackie. Du sac à mer, nous. Ah, c'est ça, on n'a pas les mêmes. Bon, alors du coup, Aaron, donc ton pote qui a 11 ans comme toi, un complexe avec son corps, bah déjà il va falloir qu'il je sais que c'est facile à dire, mais il va falloir qu'il comprenne que son corps à 11 ans n'est pas et ne sera absolument pas du tout le même dans un an et encore moins dans 3, 4, 5, 6 et 10 ans. Quoi. Ah oui. Donc aujourd'hui, regarde, moi aussi à l'époque quand j'avais 11 ans, j'avais un corps dégueulasse, j'en ressemble à rien. Aujourd'hui, je suis un beau gosse, je suis musclé, j'ai les abdos, tout est là quoi. Tu mets au-delà de ça, Michel. Mais je te remercie, Christophe. Une victoire pour toi. Merci. Mon c'est Dieu, sérieux. Ouais. Moi, j'en ai le souffle coupé. Couplé. Tu vois, j'en perds mon latin, c'est aberrant. Elle est couplée. Français. Voilà. Ouais, mais c'est. Michel a raison. Voilà, c'est ton, ça. Tu vas changer. Ton corps, va changer. Mais t'as plein de gens aussi qui souffrent de comment ça s'appelle, dysmorphie, je crois, c'est ça. En fait, c'est quand tu te vois pas comme tu es vraiment. Ouais. Ah bah on a une copine commune qui est pareil. Ah bon. Qui se prend pour Beyoncé. C'est drôle. Sauf que c'est une copine. Non mais t'as raison. À une époque, oui, très longtemps qu'on travaillait là, à Énergie, il y a quelques années, en fait, on bouffait comme des gros porcs. Et donc j'avais surgrossi. Non mais véridique. Hein. Et en fait, je m'en étais même pas rendu compte. C'est en se faisant renvoyer, là, un de nos nouveaux renvois, que plusieurs mois après, je me suis rendu compte, je dis mais c'est pas moi, et je te jure, je pensais c'était pas moi quoi. Ouais, mais ça c'est souvent. Tu te vois dans le miroir, tu dis mais c'est pas moi, et en fait c'est toi. T'es gros et tout, mais tu t'en rends pas compte. Et souvent c'est aussi l'inverse, tu vois. Et c'est bon, en général c'est souvent les nanas, mais je pense qu'il y a aussi des mecs qui se voient genre énormes ou mal gaulés ou je ne sais quoi, alors qu'en fait ils sont genre hyper bien. Oui, c'est ça. Mais tu te vois différemment. Exactement, en fait. Exactement. Mais c'est comme ça marche aussi comme ça. Parfois, t'as des jours où tu dis putain, quelle gueule de merde. Puis t'as des jours où tu te dis ouais, c'est bien. Mais pourtant, t'as rien changé. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est d'un jour à l'autre, quoi. C'est vraiment une. C'est ça dépend de plein de choses. Aaron, reste avec nous. On va essayer de récupérer Bijam là, s'il est toujours là. Justement, on va s'écouter le son de Vita et Slimane maintenant. Et puis, allez voir la vidéo. Elle est dispo Facebook et Instagram. Mickaël officiel du déballage de cadeaux et la Nintendo Switch à gagner sur Instagram. Mickaël officiel. Je ne sais pas. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. T'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. J'ai le spleen de toi, de tes yeux. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne, même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi, je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les hommes, si tu entends ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne, si tu le veux, prends, je te le donne. Bonsoir à tous, c'est Mickaël sur Énergie, 20h31, on est en direct, on remplace Aymeric pendant toute cette semaine qui est parti en congé, hein, justement. On sera de retour à notre horaire normal dès la semaine prochaine, 23h sur Énergie. Une fête, du bonheur, des jouets, des décos, un sapin, un Père Noël, des lutins, une crèche, un créneau, des cadeaux, une bûche et une dinde. N'importe quoi, Jean Michetot là. Noël sur Énergie, c'est avec Mickaël dès 20h et sur Facebook, Twitter et Instagram, M-I-K-L officiel. Voilà. Bon, on a reçu des cadeaux. Il y a la vidéo qui est sur Facebook et Instagram si vous voulez voir. M-I-K-L officiel. En tout cas, merci à Stéphanie, même si encore deux grosses caisses qu'on doit déballer là. On fera ça tout à l'heure. Mais allume ton micro. Putain, j'ai fait une toffe. Eh, je dis pas merci, j'arrête pas de bouffer ces popcorn là. Non, bah là, il bouffe des popcorn. Polo, là, il râlait presque, il a versé du popcorn. Finalement, ouais, mais je vais pas manger ça. Alors. Et l'autre toffe là qui est en train de bouffer les Pringles. Ah merci beaucoup. Oh là là là là là là là là. Enfin bon. Bon, moi elle m'a pas offert trop de trucs à bouffer parce qu'elle sait très bien que j'ai un corps d'athlète et que j'entretiens tout ça. Donc elle a plutôt offert des trucs pour la voiture. Mais évidemment. Mais je te remercie Stéphanie, en tout cas c'est bien urbain. Bon, et Amina qui bouffe les. Qui ah non, qui ne mange rien. Ouais, elle les a pris pour chez toi. Bah, oh, c'est insupportable ce bruit. Ah ouais, c'est infernal. Non, bah ils sont là, ils sont à côté. Moi je vais partager, moi je suis pas une crevarde comme d'autres. Ah oui, d'accord. Y'a Adrien qui dit salut à tous, je viens de finir le podcast de lundi. Bonne émission à vous et Polo, profite bien de ton paillasson, de ton pull de Noël. C'est drôle ça, Adrien. Ah, un pull, c'est un t-shirt. Ouais, en plus. Charles qui dit salut la team, coup de pelle dans la gueule du Belge. C'est top. Anil également, prêt pour vous écouter jusqu'à minuit. Salut à toi, Anil, comme chaque soir. Et Jordan qui a le plaisir d'entendre la voix chaleureuse de Mickaël au travers de mon transistor. Salut, salut Jordan. Et vous pouvez d'ailleurs voir aussi, puisqu'on a dit Camina se prenait pour Beyoncé, c'est ce qu'elle disait, mais elle s'est également prise pour Mariah Carey hier soir. Ah oui, Mariah Carey et Justin Bieber en même temps. Ah oui, total, dans une espèce de chorégraphie endiablée et improbable. Donc voilà, si vous voulez voir, là aussi la vidéo est sur Facebook, M-I-K-L officiel, et encore pendant une heure ou deux sur Instagram dans les stories. Donc vous pouvez venir aussi me rejoindre, hein, n'hésitez pas. M-I-K-L officiel. Juste précision, que TF1 arrête de m'envoyer des mails là pour Danser avec les Stars, j'en peux plus depuis la vidéo d'hier. Arrête, on rêve de faire Danser avec les Stars, les voleurs là, ouais, c'est ça, quel c'est cadeau de ça. C'est ça, tombola. Bon, avant de récupérer Bidja, Maron et Daniel pour parler des complexes que vous avez peut-être, eh bien nous allons faire les appels bienveillants. Ah. Et les appels bienveillants avec dimanche, il y a un homme qui a été arrêté devant la Maison Blanche, hein, je sais pas si vous avez entendu parler, bref. Non. Eh bien il a été arrêté parce qu'il a sorti son sexe devant les grilles du parc. Putain. Alors évidemment il était trop loin pour que Donald Trump puisse le voir de ses fenêtres, bien sûr, mais il a quand même été arrêté et il va être jugé pour outrage à la pudeur. On dit pas atteinte à la pudeur ? Atteinte, ouais. C'est outrage. Outrage ? Outrage à la pudeur. Normalement, c'est atteinte à la pudeur. Quoi, c'est atteinte à la pudeur, mais bon, bref. Le vrai mot, c'est ça. Bon, bref, en tout cas, vous avez compris. Donc, Tof, tu vas annoncer la nouvelle à tes amis ? Bah oui, allons-y. Allez hop, on y va, grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur toph@energie.com. C'est évidemment anonyme, hein. Vous pouvez balancer le numéro de la personne de votre choix, bien sûr. On y va, c'est parti, on appelle le premier maintenant. Allô ? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce que vous aimez pratiquer l'exhibitionnisme, madame ? Vous foutez de ma gueule. Ah, pas du tout, madame, je ne me permettrai pas. Si. Ah bah non. C'est une blague. Non, pas vous du tout. Vous parlez une mère de 5 enfants. Bah vous oui. Vous êtes sérieux, là ? Bah oui, madame, mais ça vous empêche pas de vous mettre toute nue de temps en temps ? Non, mais vous êtes con ou ça se passe comment ? Bah moi, tout va bien, madame, enfin, pourquoi vous dites ça ? Allô ? Ah bah oui, mais alors, mais t'es con, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Bon, on rappelle. Non. Allô ? Oui, je m'excuse, on a été coupé. Allô ? Ah bah très bien, au moins ça mérite d'être rapide, on rappelle. Bah oui, allons-y. Allô ? Oui, je m'excuse, je sais pas ce qui se passe, à chaque fois on est coupé. Non mais vous êtes sérieux ? Bah oui, je suis sérieux, madame, j'essaie de communiquer avec vous. Mais j'ai pas envie de communiquer avec vous. Vous êtes con, c'est... Mais pas du tout, madame. Enfin, pas de ça entre nous. Ça se dit pas, des choses comme ça. Allez, branlez vos morts. Mais pourquoi voulez-vous que je fasse ça, madame? Enfin, c'est sale. Allô? Ah, branlez vos morts. Tiens, elle est belle, celle-là. Hein. On l'avait jamais faite, hein, je pense. Hein. Je ne crois pas. C'est sale, surtout. Ouais, oui, plutôt, ouais. On rappelle. Allô. Oui, enfin, pourquoi voulez-vous que je fasse ça, madame? Bah attendez, non, c'est vous, madame, vous me dites des choses, vous me dites des choses dégueulasses. Attendez, moi je vous appelle gentiment pour vous poser une question. Oui, posez-la la question. Bah oui, en fait, je voulais savoir si vous pratiquez l'exhibitionnisme, monsieur. Ah, l'exhibitionnisme. Bah oui. Oui. Oui, souvent, tous les jours. Ah oui, bah faut faire attention. Tous les jours. Faut faire attention, monsieur, parce que c'est dangereux. Il y a un monsieur, il a fait ça à la Maison Blanche et bon, ça a mal fini, il est en prison là. Ah ouais, OK, ouais. Bah voilà. Donc du coup, c'est bah oui. C'est pour ça, c'était pour vous prévenir, quoi, de faire ouais, attention. Ouais, bah c'est bien, hein. Bon. C'est bien, hein. Bon. Eh ben voilà. Vous parlez, là? Non, je sais pas, vous êtes qui, monsieur? Non, bah déjà, vous allez me donner votre nom, monsieur, là. Oui, Toff, monsieur, je m'appelle Toff. Ouais, Toff, ouais, mais c'est quoi, Toff? Bah c'est mon nom, Toff, monsieur. Chris. Trop de balles. Tu te prends pour qui, toi? Bah Toff, monsieur, je viens de vous le dire. Ton numéro, on va le trouver. T'inquiète bah je peux pas. Vous le donner, monsieur, ça ira plus vite. Ah, allô? Eh ben voilà, très bien, il en veut pas, mais trou de balle, décidément, t'as le festival ce soir. Hein. On rappelle. Des gens sympas. Bah oui. Oui, vous avez pas pris mon numéro, monsieur? Vous avez raccroché. Vas-y, donne ton numéro, on va lire. Alors c'est 0140. Ouais. 71. Ouais. 50. Ouais. 00. Ok. Voilà. Ok. Bon, bah t'inquiète pas, de toute façon. On ah bah moi, je... bonjour bientôt. Bah moi je m'inquiète pas, monsieur, vous passez quand à la maison? Bah écoute, je vais voir ça avec ta maman. Je pense que, vu qu'on fait souvent de l'exhibitionnisme ensemble, on va pouvoir se rencarder. Ah bon, vous connaissez maman? Ouais, tout à fait. Ah bah si vous voulez, je vous rappelle demain avec maman, comme ça vous pouvez voir avec elle directement. Bah il n'y a pas de souci, comme ça je pense qu'elle nous invitera directement et puis on se fera une petite partie de plaisir ensemble. Bon d'accord, et bon, on fait comme ça, monsieur, je vous rappelle demain avec maman. Voilà, pas de soucis. Allez. Non, bonne soirée, boy, joyeux Noël. Hein. Bah vous aussi, hein, monsieur, hein. Et allez, à demain, hein. Bisous, bisous. Bonne année. Hein. Vous ouais, aussi, en avance. Hein. Ah, t'es génial, toi. Moi ah. aussi, je vous aime, monsieur. Ouais. Allez, à okay. demain, hein. Bisous, allez, bisous. Ciao. Avec ta maman, on t'oublie pas. Hein. Non, non, je vous appelle avec maman demain, monsieur. Bisous, bisous. Eh ben voilà, très bien. Bah demain, on aura des nouvelles avec maman, alors, hein, avec Maryse. Bah bonne, oui, c'est la bonne nouvelle. Évidemment, Maryse va mettre de l'ordre dans tout ça. Mais certainement, je n'en évidemment, doute pas. Oui. Bon, et bien voilà la bonne chose. Bon, on en fera l'autre dans moins d'une heure des appels bienveillants. On va jouer aussi au jeu du taxi du bled ce soir. Le principe du jeu est très simple. En plus, il y a les trottinettes électriques à gagner. Donc, si vous voulez jouer avec nous au taxi du bled, vous devez nous appeler, évidemment. 01 40 71 5000. Le principe est simple. Vous décidez de jouer contre quelqu'un de l'équipe. Et puis, bah, vous appelez. Enfin, on va appeler chacun à votre tour, en tout cas. Hein, une société de taxi, vous devez le ou la convaincre, eh bien, de vous emmener loin. Si on appelle à Paris, vous devez dire, je sais pas moi, genre je serai dans le taxi. T'as déjà fait la même vanne la semaine dernière. Ah, bah tu vois, je voulais essayer d'écouter mes super vannes. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et donc, c'est voilà, genre vous emmener à Berlin, à Rome, bon, bref, loin. Donc, si il ou elle dit oui, ou en tout cas a l'air d'être d'accord, et que vous avez cet accord avant votre concurrent, vous gagnez. Vous voulez jouer 01 40 71 5000. On va revenir dans un instant. Bon, on va s'écouter le son de David Guetta maintenant et on revient après sur Energy. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. This room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then behavior. Ooh, oh, oh. Say my name, if you- Let go, come on. Escucha como digo tu nombre. Desde Medellín hasta Londres. Cuando te llamo la mala responde. No pregunta cuándo, solo dónde. Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta. Una adicción que sabes controlar. Y te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Say my name, if you love me, let me hear you. Say my name, I am dying to believe you. Soirée sur Énergie, dans un instant le son d'Angèle. Un message d'Anna aussi qui dit: après une après-midi de boulot acharné, j'allume ma radio et j'entends les hurlements de Polo. J'adore cet accueil, ça fait trop plaisir de vous retrouver l'équipe. Salut Anna, c'est un petit peu la marque de fabrique quoi. Il y aura aussi Extentation et Will Deal qui dit: moi, Amazon m'ont livré le lendemain alors que c'était prévu minimum 3 jours sans abonnement premium. Ah bah voilà, je pense qu'ils ont juste une dent contre Amina, c'est tout. Hein. Je pense que c'est juste ça, je crois que tout a été fait exprès pour le merder. Hein. Bon, vous restez là, on joue au taxi du bled, le jeu du Janus, le jeu des Dimo, tout ça avant minuit évidemment. Et puis je rappelle toujours la Nintendo Switch à gagner. On fait un tirage au sort parmi vous, tout est expliqué, rassurez-vous, sur le compte Instagram. Venez me follow si c'est pas encore fait. M-I-K-L officiel. Bon, bougez pas, on se fait la pub en speed, on revient dans 1 minute 20. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Mickaël sur Énergie revient juste après ça. Il a gagné la somme folle de 50 000 euros en écoutant Énergie. Tu t'appelles où ? Je crois que c'est moi. Pourquoi tu nous as appelé au 3937 ? J'ai entendu 5 chansons d'affilée. Tu as bien fait de nous appeler pour la playlist suprême. Tu gagnes 50 000 euros. C'est incroyable. Merci, merci, merci, merci. C'est un truc de fin. Energy, it music only. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Gagnez toute la journée votre coffret best-of des 20 éditions des Energy Music Awards. Toutes les stars des Energy Music Awards sont réunies sur 5 CD avec Black Eyed Peas, Sia, Justin Timberlake, Maroon 5, Lady Gaga, Avicii, Stromae, Martin Solveig, Ariana Grande. Le coffret best-of des 20 éditions des Energy Music Awards, vendredi dans les bacs. On l'attend toute l'année. On se prépare pour ça. On en rêve. Noël. On n'a qu'une envie, c'est d'être ce jour-là. C'est d'être ce jour-là. Mickaël, Toff, Polo et Amina. Faites Noël sur Énergie. Tous les soirs. Dès 20h. Bon, alors, toujours en direct évidemment. 01 40 71 5000. Vous voulez passer en live dans l'émission? Eh bien, vous êtes les bienvenus. On va récupérer Aaron qui nous avait appelé parce qu'il a un problème avec son copain. Enfin, son copain, un pote à lui qui a des complexes. Et donc, du coup, voilà, il n'aime pas son corps. Bon, il a 11 ans aussi, évidemment. Donc, tout va changer, mais. Encore faut-il qu'ils s'en rendent compte. Et il y a Bijam qui est avec nous à Melun. Salut Bijam. C'est pas possible. Non mais c'est pas possible Bijam. Bijam. Allô Bijam. C'est un routier, c'est un routier ça. Ah ben bah quand même. Bon. Je suis là, bordel de merde. Oh là là. Agréable en plus. Et bon. Et bah au bon accueil, bonjour. Oui c'est ça. Oh, je te jure. Bonjour, bon. Bonjour. Ça va Bijam? Bonjour. Oui, je voudrais témoigner. Bijam, tu peux témoigner normalement Putain, un humoriste. Non. Putain. Je suis le nez et le front d'Amina. C'est drôle, je ça. Je voulais témoigner de l'image que je rejette aux gens tous les jours. D'accord. Et moi, je voulais témoigner, je suis le gros boule de la mère de Bijam. Et je voulais témoigner de l'image que je renvoie à mon fils. Oh là là. Ça te va ? Je suis pas la maman, là. Eh ben alors, tu parles du front des gens. Normalement, jamais les parents. Ah si, si, si. Mais quand on commence à parler de Bijam, c'est un sketch, Bijam, là ? Il est pas drôle. Ah mais en fait tu voulais simplement te faire passer pour le nez et le front d'Amina, c'est ça? Ouais, non mais le grand front c'est normal, c'est Zidane, c'est Kabil. Faut pas oublier le coup de boule à Zidane. C'est quoi l'intérêt de dire des trucs comme ça? Quoi tu viens dire? Avec quoi tu viens? Oh là là, j'appelais pour le petit Aaron par rapport à la piscine. Et bah voilà, commence par un truc intelligent au lieu de faire l'humoriste voilà, à deux balles. Et bien voilà, et bien voilà. Bah c'est pas marrant en fait. Bon. Bon, Bidjam. De ta meuf, on verra. Oh! Mais c'est vrai! Bidjam! Alors, qu'est-ce que tu voulais dire pour Aaron Beyoncé qui est à l'écoute tout, la meuf, là. Mais ta meuf, elle a une tête de sorcière à tous les coups, tu me racontes. J'ai la ride du lion. Et Bidjam, tu viens au truc, là. Vous... Bon, parce que si vous voulez vous envoyer, vous échangez vos numéros et vous le faites en antenne. Mais vas-y. La ride de la hyène. Bidjam, j'ai déjà assez de problèmes avec Polo, Teuf et Amina dans la même pièce que pour avoir quelqu'un en sus dans le standard. C'est quoi cette histoire? Pour lancer une nouvelle embrouille. Connard, va. Oh là là. J'accompagne les enfants à la piscine, moi. Bon, Bidjam, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à Aaron et le problème de son ami qui est complexé? Justement, Aaron, il m'a interpellé, il a le même prénom que mon fils. Et, d'accord. Pour le coup, c'est son copain qui est en surpoids, c'est ça? Ouais, bah oui, oui, en fait, il est pas bien dans son corps, bon, voilà. Et c'est quand ils vont à la piscine au collège? Mais non, ils vont bientôt commencer la piscine, justement, et c'est ça qui le perturbe encore plus. Eh ben, moi, le conseil, c'était qu'il s'inscrive au rugby. Au rugby. Mais non, mais c'est avec l'école. Non, mais c'est avec l'école. Il a la vie. Il a pas le choix. Il a pas le choix. Tu choisis le javelot, tu sais. Il va à la piscine. Il va à la piscine. Bidjam, t'es vraiment ouais, routier, justement, toi. Comme ça, il va apprendre pendant les douches, tu vois, le regard des autres et tout ça, parce qu'au rugby, il faut tous les gabarits. Donc, il y a des mecs, des mecs, des gros, des petits. Mais il n'a pas tout. Le choix. C'est non, dans l'emploi du temps. Tu sais, il y a un concept qui s'appelle l'école. Tu sais, c'est un truc un peu obligatoire. Bon, visiblement, il y en a qui passent entre les mailles. Mais non, mais c'est vrai. Eh ben, il pourra pas changer tout seul dans son coin, il est obligé de changer. Mais bien sûr qu'il va changer. Bidjam, il a 11 ans, son corps va changer. C'est comme ça, Bidjam. Non, qu'il va se changer au vestiaire. Oh là mais là. Oui, mais on s'en bat les yucks. En fait, il va aller à l'école. C'est-à-dire, c'est un gamin, il n'a pas de notion des choses. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on sait que vous, les routiers, vous aimez prendre des douches communes. Et là non, dans les. Non, c'est pas les routiers. C'est faire du sport. Attendez, Bidjam, il a 11 ans. À 11 ans, le truc, c'est que, ok, lui, il voit des mecs baraqués, les joueurs de foot au bordel. Il se voit aujourd'hui. Bah, il a un corps d'un enfant de 11 ans. C'est un enfant, voilà tout simplement. C'est normal d'être un peu dodu en plus à cette époque. Et donc, Bidjam. Dans sa classe, c'est pareil. Oh là là, quelle lourdeur. C'est pas possible de pas laisser parler les gens comme ça, Bidjam. J'essaie d'expliquer. Ah bah non, bah c'est pas vrai, bah c'est pas possible. Vous voyez? Non, c'est Bidjam qu'on a tous les soirs à 23h. Non, on rigole, Bidjam. Non, mais je veux dire par là que, voilà, lui, et c'est comme les filles, tu vois, t'as des jeunes filles qui ont un corps qui n'ont pas de poitrine. Et c'est normal à leur âge, mais sauf qu'elles voient des filles, des femmes, des chanteuses, des sportifs, ou enfin bref, des meufs sur Instagram, sur YouTube et tout ça, qui sont bien roulées. Elles se disent, putain. Ah bon? Qui ça? Il y a plein de meufs hyper jolies en radio. Stéphanie Loire est très belle. C'est vrai. Mais je cite des gens. Ah, pardon. C'est une très belle femme. Exactement, une bombe de meuf. Merci. Bref, donc tout ça pour dire que voilà, c'est juste que c'est normal qu'à leur âge, ils disent putain, j'ai un corps de merde, t'as vu les autres à quoi ils ressemblent. Bah oui, mais la normalité en fait, c'est pas les mecs que vous voyez sur internet, dans les magazines ou sur les chaînes YouTube. Hein. Malheureusement, hein, mais. Bah la normalité, c'est les gens de sa classe. La normalité, ce sont les gens de sa classe. Mais comme disait Aaron, voilà, hein, lui aussi, il a des complexes et il y a des trucs qu'il aimerait bien avoir chez son pote. Mais voilà, après, qu'est-ce que tu veux? Attends, il y a Daniel qui est avec nous à Nîmes. Salut Daniel. Oh putain. Ah, salut. Ça va Daniel? Alors, moi, j'avais putain, on passe de Aaron 11 ans à Daniel 70. Comme quoi, hein? Comme quoi, tous les extrêmes sont là. Tout le monde est là. Bon, alors moi, j'avais un complexe. Attends, excuse-moi, je vous coupe. Parce qu'on a reçu Stargaze dans les studios. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux fermer les boutons de ton pantalon là? Et arrêter de bouffer tous les popcorn de Polo. Est-ce que son pantalon est ouvert depuis tout à l'heure? Il est là. Et qui est en train de bouffer tous les popcorn de Polo. Excusez-moi, je me suis dit putain, il y a cette vision d'horreur devant moi là. Voilà, excusez-moi, vous pouvez y aller. Bon, donc du coup, Daniel, bon, de quoi on parle dans un instant avec toi? Alors moi, j'avais un complexe de supériorité. Ah bah, voilà autre chose. Bon, Daniel, on va en parler dans un instant. Ne bouge pas, on va s'écouter d'abord le son d'Angèle et on revient juste après. Bougez pas, c'est Mickaël sur NRJ. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie, parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire. Il faudrait tout oublier. Mais là j'ai trop joué à ce bonheur. Si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Cette semaine entre 20h et minuit. Et semaine prochaine, évidemment, retour à l'horaire normal à partir de 23h. Bonne fête et joyeux Noël sur Énergie. Et sur Twitter, Facebook et Instagram. Et Mickaël officiel. Mickaël sur Énergie dès 20h. Exactement, dans un instant, le son de XXXTentacion. Il y aura qu'est-ce qu'on va vous mettre aussi dans un instant, le son de Bad Bunny. Et Dean Lewis. Allez, bonne soirée à tous. Mickaël sur Énergie, on est là tous les soirs en direct avec le taxi du Bled qui va débarquer dans quelques instants. Si vous voulez jouer avec nous, bon bah 01 40 71 5000. Et je vous rappelle qu'il y a toujours la Nintendo Switch, la console à gagner sur la page, sur le compte Instagram de l'émission. Pour gagner, vous devez simplement me follow par la force des choses, hein, pour que vous puissiez voir le post forcément. Donc venez me rejoindre en tapant M-I-K-L officiel. Et ensuite, il suffit simplement de laisser un commentaire et vous likez le post. Et ensuite, je tirerai au sort l'un d'entre vous. À 22h30, je donnerai le nom du gagnant ou le pseudo Instagram du gagnant ou de la gagnante. Et il aura 15 minutes précises pour tenter de nous appeler au 01 40 71 5000. S'il y arrive, c'est gagné. Sinon, on remet le cadeau en jeu. Je vous souhaite bonne chance. Tirage au sort dans 1h30. Soyez donc évidemment à l'écoute, forcément. Et en attendant, donc, M-I-K-L officiel, venez me rejoindre sur le compte Insta. Bon, on va jouer donc au taxi du Bled maintenant avec Coco qui est avec nous à La Rochelle. Salut Coco. Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Coco. Bonjour. Bonjour Coco. Ça va bien? Ah oui, ça va vraiment bien, oui. Ah, très bien, parfait, tant mieux Coco. Bon, eh bien Coco, je vois que Polo a des préférences, hein. Il amène un café à Mina, mais moi... Bah depuis toujours. Là, bah, oui, je suis pas petite partie. La tu m'as pas demandé La parité. Je fais pas de la parité, moi je donne aux gens qui... Tu m'as pas demandé parce que quand je lui propose, non je n'en veux pas. Et quand je lui dis pas, il fait rien, tu m'as pas proposé. C'est, ça, ouais. C'est comme si t'avais un café, t'as eu des touillettes. C'est ça, ouais. Il faut être chevalier servant jusqu'à la fin de l'année. Bon, Coco, on va jouer au taxi du bled. Le principe du jeu très simple, tu vas choisir quelqu'un dans l'équipe que tu vas devoir affronter. D'ailleurs, tu veux jouer contre qui, Coco? Ah, bien. Tof, Polo, Amina ou moi? Peut-être Polo, oui, comme ça, oui. Quel excellent choix. Génial. Oh, franchement, j'ai croisé les doigts, les pieds, tout ce que tu veux pour que ça finisse comme ça. J'ai presque envie qu'on filme. Tais-toi, Coco. Tu t'appelles pas Coco. Tu t'appelles... Mais si, elle s'appelle Coco. Non, c'est pas, elle s'appelle Nadia. Je m'appelle Coco. C'est quoi ton vrai prénom? Je fais des œufs en or. Pour la Noël, je pond des œufs en or. C'est Coco. Tu as bien fait prendre Polo. Je pense qu'il va se passer un truc. Ta gueule, toi. Oh putain. Bon, eh bien, c'est quoi le jeu? Eh bien, c'est le taxi du bled. J'ai pas envie. Le taxi du bled, donc tu as décidé d'affronter Polo qui Polo et bah, Coco. T'as bien fait puisque Polo et Amina pour l'instant sont les deux plus faciles à battre statistiquement parlant avec 6 défaites de suite. Pardon? Mais ils ont 57. Non mais attendez, on dirait 50. T'as craqué ou quoi? Non, il y avait ça comptait des doubles, ça comptait des triples. Et lundi, vous avez eu 5 défaites dans la gueule parce que si. Non mais Mickaël, hier j'ai gagné au Partons pas cher, arrête d'inventer. Donc j'avais 2 victoires et après j'ai perdu. Autant donc pour moi, autant pour moi. Merci, j'ai raison. Donc deux mais à compte double, t'avais annoncé. Ouais. Deux défaites. Ouais, bah voilà, très bien. Et on bat les couilles. Ouais, bon merde. On y va, Coco. Putain, la bonne ambiance. Moi, bah je voulais te remercier. Vous me faites chier. Ah, vous êtes la plus belle radio énergie. Oh, c'est gentil, Coco. Mais Polo est le plus beau, n'est-ce pas? Ouais, mais surtout énergie, ça dégage. Oh, ça dégage, c'est comme ta gueule. Oh, Tof. Eh, Tof, arrête de parler comme ça aux gens, tu commences à m'énerver. C'est ça. On n'a pas assez de problèmes à cause de toi. Avec ses Pringles et son riz, là. Connard, bouge ton riz. Putain, mais Polo, arrête de me faire des signes comme ça. Coco, je balance. Polo, il m'a dit qu'il te kiffe. Grave, c'est pas vrai, je te déteste. À la fin de l'année, il devrait être des chevaliers servants. Ouais, d'accord, répète-toi. Il roule le tapis rouge pour Amina. Ouais, dans sa gueule, je vais lui mettre le tapis rouge. J'ai rien à faire, moi, dans l'histoire. Bon, est-ce qu'on peut jouer, qu'on se débarrasse d'elle? Parce que je peux. Eh bien, plus, allons-y. Ouais, mais il est imbuvable. Bon, Coco, tu commences ou Polo démarre? Alors qu'il a le grand amour sous son nez. Bien sûr. Eh ben, je peux commencer. Eh ben, tu commences. Eh bien, tu commences, Coco. Le principe du jeu est très simple. On va appeler sur Paris. Donc, tu vas faire comme si t'étais à Paris. Si jamais le taxi te pose la question, le but, donc, c'est que tu arrives à convaincre le taxi, eh bien, de te, de te déposer où, d'ailleurs, dans quelle ville? Quelle ville tu choisis, Coco? Excusez-moi. Eh ben, je vais partir voir mon fils. Hein, et c'est pas une blague. Non, où ça? Je pars en Angleterre. Non, mais il t'aime pas vraiment. Hein, c'est pas pour. Oui, c'est pour rire. J'ouvre l'ouvrage. Les motos que nous a offert la jeune fille. Est-ce que vous savez que la Norton Guscon Commando de 70 était équipée de tambours double cam de 200 C'est génial. T'as entendu? C'est génial. Non, ils ont dit, mais Amina, on s'en bat les couilles de ta vie. On s'en bat les couilles, ouais. C'était pour toi, ça. Bon, allez, Coco, on y va. Tu vas donc direction l'Angleterre, Londres, en l'occurrence. Et si jamais t'arrives à avoir un accord, même si c'est un accord de principe, genre, ok, d'accord, mais on se rappelle demain pour les tarifs, bon, peu importe. C'est ce temps-là qu'on prendra en considération. Il faut que tu aies cet accord avant Polo. Bon, non, mais là, bonne chance. Franchement, tu tires une balle dans le liep, hein. Y a personne qui est là. Vous m'imposez où, à Paris? On s'en fout, c'est à Paris, Londres. On est plus en détail, hein. Peu importe l'arrondissement. Donc on appelle dans Paris, voilà. Allez hop, c'est parti. Mais enfin, cela dit, du coup, Polo est obligé de partir à Londres aussi. Donc, bah non. Double tirage de. Non, je suis pas obligé, pied. Non. Si, c'est écrit dans la règle. Mais c'est cool, non. Bah non, mais je joue pas alors. Je fais mon Amina. Ça y est, c'est ça, Amina sort de ce corps. Je pas la Londres, moi. Allez, on y parce va. Que l'autre, la Coco, elle croit vraiment qu'elle on va y aller. C'est ça que vous avez pas compris. Ça se trouve, elle va gagner. Je suis sûr qu'elle va être bonne, Coco. Amina, fais un petit signe. Allô. Oui, bonjour. Alors voilà, je suis Madame Georges, je vais partir pour les fêtes de fin d'année en Angleterre, à Aylesbury Butte, et je souhaite absolument partir en taxi parce que je veux passer le tunnel sous la Manche. C'est très bien ça. Ah oui, non, c'est franchement, j'en ai marre de l'avion. Mais... cette fois-ci, je veux partir. Mais elle sait que tu l'as sous la manche, je prends le train. Ça serait formidable. Non, mais tu veux partir dans le train. Je n'en peux plus. Quand même. Je ne suis pas partie à Noël, je veux partir pour Nouvel An, faire la surprise. Oui, alors qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, est-ce que vous pouvez me conduire là-bas? Bien sûr, juste me conduire, vous ne m'attendez pas, parce que je reviendrai après. Je ne sais pas encore comment je reviendrai. Bon, mon fils m'aidera à décider. Mais pour le moment, j'ai besoin de partir de Paris. Vous êtes à Paris? Oui, je suis à Paris. Vous êtes où? Moi, je suis exactement à Villeneuve-Saint-Georges. Mais bon, je peux venir à Paris, oh, putain, vous attendre. C'est pas possible. Pourquoi est-ce devant, qu'il dit ça? La gare du Nord, par exemple. Ah, ok. Là. Alors, vous voulez aller en taxi? Oui, je veux absolument passer sous le tunnel sous la Manche. Parce que bientôt, il y a le Brexit et je ne sais pas comment les choses tournent. Alors, il y a pas de tunnel sous la Manche avant la fin de l'année. Ah ouais, mais normalement, le tunnel sur la Manche, normalement, pour passer, il faut qu'on passe dans une ferrière. C'est-à-dire que si je peux vous conduire... Non, mais il n'y a pas de souci. Vous êtes taxi. Moi, je paye et vous me conduisez. Elles vont emmener je le mec vous donne le final. Hein. Alesbury Buck. Alors, j'ai calculé combien vous, financièrement à peu près... Est-ce qu'il peut être sûr, quoi. J'ai calculé quelque chose comme plus de 2000 euros quand même. Hein. Oh ah ben, ça fait une belle somme. Non, mais ça ne fait pas coûter tout ça. Ça va. On va dire oui, non. Ça coûte pas 2000 euros en taxi. Ah bon, d'accord. Ça fera moins? Oui, ça fera moins, oui. Il n'y a pas 2000 euros. Ah, bon, honnête. Vous êtes honnête. Alors, ça fera dans les combien, vous pensez? Normalement, ce qu'il faut faire, ils vont envoyer votre... les téléphones, là, il n'y a pas de téléphone visible. On peut considérer qu'à 2030, il a dit OK. Ouais. Non là, non, à partir du moment où il dit, il n'y a pas de numéro visible. Non, non. Quoi, non? Mais non! Mais non, moi, tu me l'as fait! J'ai dû attendre. C'est des défaites? D'accord! Pas du tout, Mickaël, tu as raison! Il n'a pas dit oui! Demain. Est-ce que vous êtes. Bon, là, il a dit oui, là, pour le coup, il est dans le chamaillé! Non! Elle est lourde, votre copine. Ah, voilà, il est d'accord! Alors, on partirait le 29. Oui, c'est bon, on peut plus partir. 2 minutes 50, Coco, t'as pas l'impression que. Heureusement que j'avais précisé qu'il fallait être le plus rapide! Non, mais attends, le Brexit. Je veux aller le tunnel sous la Manche, tu sais qu'on part en train, hein. c'est pas la voiture! Enfin, la voiture, tu la mets dans le train, je veux dire. Mais elle est en ferry maintenant avec le mec. Ah oui, c'est vrai, en ferry. Le Brexit. non, mais la reine d'Angleterre, le mariage princier. Oh là là là là là là. Meghan Markle, tout ça. Bon, Coco, 2 minutes 50, c'est le score que Polo ne doit pas battre. Ah oui, alors il fallait faire du temps. Voilà, donc il fallait faire moins plutôt. Bon, allez, on y va. Tu vas où alors, Polo? À Berlin. Voilà, puisque Polo change les règles comme il veut. Non, je change pas les règles, c'est quand ça t'arrange. Même Christophe est d'accord. C'est le roi ici. On y va. Allô? Une seconde. Ça sonne. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Excusez-moi de vous déranger à cette heure. Je voulais savoir, j'ai quelques informations à vous demander. Vous êtes bien un taxi, hein, déjà? Oui. Oui, je suis... j'ai un petit problème avec les transports en commun. J'ai des espèces de phobies. Donc je peux pas les prendre, vous voyez, que ce soit l'avion, le train, etc. Et j'ai désir de me rendre à Berlin la semaine prochaine. Je voulais savoir si vous êtes... si c'est possible, je vous envoie un devis, si vous êtes d'accord. Vous avez eu mon numéro par hasard? C'est un collègue qui me l'a donné, il vous a déjà pris, il vous a trouvé très sympa, il m'a dit que vous étiez quelqu'un de sympa, il m'a dit prends ce numéro et appelle ce monsieur au lieu d'appeler G7 ou une autre société. C'est bon. Bon, d'accord. Merci. Je vous envoie un devis avec toutes les infos et vous me donnerez le prix. Top. Et ben voilà. Polo, c'est lui qui fait les devis au taxi. Oui, quand même, c'est ça. C'est incroyable. Ah oui, je fais un devis. Oui, je suis un homme d'affaires. On s'en branle. Compris quoi. Ta gueule, c'est toi. Ça, ouais. J'ai gagné. C'est tout. Oh là là là là. Allez, Coco, malheureusement, c'est perdu. Allez, dégage. Oh là là. Oh. C'est perdu, Coco. Malheureusement, la trottinette électrique ne partira pas chez toi, Coco. Malheureusement, ni chez Polo d'ailleurs. Eh ben, c'est pas grave. Bon, salut Coco. Merci pour cet instant de vie. Félicitations pour vos émissions. Eh ben, c'est gentil. Merci Coco. Bon voyage à l'Angleterre. Ciao à toi. Dans un instant, continue à parler des complexes avec Joël, avec Daniel, avec Bijam. Non, Bijam, il a déjà parlé. Ouais, avec vous bon. Aussi, si vous avez des complexes ou si vous avez eu des complexes, eh bien, appelez-nous et on en parle. 01 40 71 5000. C'est Mickaël sur Énergie. On écoute le son de XXXTentacion maintenant avec Maluma sur Énergie. Oh. 21h08, on est là, toujours en live évidemment. Bad Bunny à suivre dans un instant avec Drake, Dean Lewis, Marnik & Smack également. Et puis Charlie Gaz qui dit Bijam, Romuald, etc. Tous les cassos routiers. Aïe aïe aïe, heureusement que Jackie est là pour relever le niveau. Oui, ne nous emballons pas non plus. Les décorations se sont installées sur la ville. Habillé de son vêtement d'hiver, la ville est en fête. La magie de Noël. Le bonheur d'être réunis. Profite du moment présent. Mickaël, Tof, Polo et Amina vous souhaitent de bonnes fêtes et un joyeux Noël. Sur Énergie, dès 20h. Voilà, pour nous appeler, c'est le 01 40 71 5000. Les amis, on vous attend évidemment en direct. D'ailleurs, en parlant de direct, nous allons prendre Daniel qui est avec nous. On parlait, c'est Aaron, un auditeur de 11 ans qui nous avait appelé en début d'émission pour nous dire qu'il était, qu'il avait un ami qui était complexé par son corps, qui lui-même avait 11 ans. Donc on a essayé de lui expliquer que c'était pas anormal, même si, voilà, quand t'as 11 ans, tu te dis merde, fais chier, j'ai pas envie, je suis pas normal, je m'aime pas, etc., etc. Et donc, du coup, ben voilà, il faut le temps que ça change. Et on vous avait demandé, du coup, au passage, si vous aviez des complexes. Alors, Tof, un complexe? Aucun. Non, mais en vrai? Aucun. Genre, t'as pas un complexe? Non, je me kiffe. Ça, ça veut dire qu'il en a plein. Ouais, ouais, ouais. Sinon, il aurait dit. Ça. Tof, il aurait dit, oui, voilà, c'est ça et tout. Tof, il rigole pas comme ça. C'est pas. Non, c'est mais, pas mais, non tout le monde a un truc qu'on aime un peu moins, oui, quand même. Ah non, que j'aime un peu moins, oui, mais j'ai pas un complexe. Tu vois, je me regarde pas dans le miroir en me disant, oh merde, ah, ça me fait chier. Non, il n'y a rien. Après, oui, si je pouvais avoir moins de bides, je le vivrais beaucoup mieux. Mais dit-il au bouffon des Pringles. Voilà. Non, mais voilà. Donc, tu vois, je peux pas me plaindre d'un truc où je fais rien vraiment, ouais, pour que ça s'arrange. D'accord. Donc, non, j'ai pas vraiment de complexe. Polo. Moi, j'ai une perte de cheveux. Ah bon? Mais ça me dérange pas plus que ça. Franchement, ça se voit pas. Amina fait pas la maline. Mais non, mais ça me fait rire parce que je sais. Cheveux blancs, va. Bah oui, mais moi, non, j'ai non, non, non, mais c'est pas moi, ça. C'est que j'ai des... ça lui allait bien en plus. J'ai des trous en fait. C'est ça qui est bizarre. Enfin, vous pouvez pas voir, mais non, bah en non. fait, j'ai un trou là et un trou là. Mais sinon, non, ça va. Pas de qu'est-ce complexe que... Bah non. Bon. Non, je me. Pff, complexe de quoi? Je suis un génie. Oh, oh là là. Bref, donc du coup, vous dites-nous si vous avez eu. Si vous avez, oui, ou si vous avez eu des complexes et que du coup, vous avez peut-être corrigé. Si vous avez eu des problèmes de poids, vous avez peut-être fait du sport, vous avez peut-être fait des régimes. Si vous avez des problèmes de chute de cheveux, par exemple, ou je sais chirurgie. Pas n'importe quoi. Est-ce que vous avez déjà fait de la chirurgie? Qu'est-ce que vous avez fait pour justement essayer de pallier à ce complexe? Eh bien, vous pouvez nous appeler et on en parle. 01 40 71 5000. Bon, Daniel, qui avait un complexe un peu particulier. Puisque il avait apparemment un complexe de supériorité. C'est comme les Belges. Voilà. Alors quand j'étais jeune, ouais, j'avais un complexe de supériorité. Mais alors, la vie m'a guéri en me démontrant peu à peu qu'en fait, j'étais vraiment supérieur à la moyenne de la population. Ah bah, l'autre chose. Extraordinaire. Non mais attends, oh, Daniel. J'ai eu une vie qui m'a démontré T'es le spécialiste du voyage, toi. Je suis un peu comme Sacha Guitry. Moi-même. C'est vrai, Daniel, j'ai oublié qu'on l'avait déjà eu. Alors, tout à l'heure, il va se comparer à Shakespeare. Donc, tu t'aimes toi-même, c'est ça ton complexe, c'est ton complexe de supériorité. Oui, ce qui fait qu'en fait, je suis un peu un personnage un peu odieux, à part pour les gens que j'aime et qui m'aiment. Ah ouais, bah tu vois par exemple Polo lui même les gens qu'il aime et il est aussi odieux. Oui, donc il doit avoir le complexe de supériorité mais différent. Alors, il doit y avoir plusieurs degrés. Alors tout au long de ma vie j'ai eu la chance. En plus j'ai eu la chance qui m'a suivi constamment. J'ai fait des études brillantes. C'est faux. Qu'est-ce que tu en sais? Je suis docteur en sciences. Enfin il sait quand même ce qu'il a comme études. Non il en sait mais il écoute pas. Non mais d'accord, mais il sait quand même. Non, mais c'est peut-être le hasard de la vie qui a fait ça. Il a peut-être triché, on ne sait rien. Peu importe, ça reste des études brillantes. Mais on s'en branle. Mais c'est pas possible. Il a fait son cinéma. L'autre, dès qu'on parle d'études, oui, parce que j'ai mon bac, j'ai fait des études. Moi, j'ai rien dit. C'est Mickaël qui a interrompu. Je suis d'accord avec lui pour une fois. Mais non, mais parce qu'il est en train de nous dire, oui, je suis docteur en sciences. On n'en sait rien, ça se trouve, c'est un gilet jaune. D'accord, mais à ce moment-là, personne n'y croit, ne croit personne. Alors. Mais non, mais il est là en train de se monter. Il le dit, il l'a fait, j'imagine. J'ai fait une pas... carrière de chercheur. Ouais. Mais c'est vrai, il en avait déjà parlé en plus. Dans l'institut qui m'a envoyé faire le tour du monde. On va pas revenir sur le tour du monde, Daniel. Hein. Ça fait 3 fois qu'on en parle. Et on sait que ta femme était mexicaine. J'ai eu 2 épouses extraordinaires. Non, bon, Daniel. Ça fait la 4e fois. On parlait des complexes et t'arrives toujours, sur n'importe quel sujet, à revenir sur tes voyages, ton épouse, tous les voyages que t'as fait, le tour du monde, l'épouse qui était mexicaine. Et bon. Voilà. Et pour terminer, à 70 ans, j'ai fini par séduire une super beauté de 46 ans. Mais quel rapport avec le complexe de supériorité? Pardon? Oui, donc je termine par avoir mon complexe de supériorité. En fait, je l'ai toujours parce que je ne l'ai pas guéri. Mais tu trouves que c'est... je sais pas, hein, mais en quoi tu es supérieur aux autres alors que tu dis toi-même que tu es odieux? Moi, j'aimerais pas que les gens pensent que je suis odieuse. C'est non, pas parce supérieur, que... du coup. C'est pas ça, il s'est comparé... supérieur, mais tout le monde le pense. Il s'est comparé à Sacha Guitry. Sacha Guitry. Par exemple, moi actuellement. Mais il a 70 ans, il est peut-être. Connard de Belge. Denis, ma bonne, c'est un Belge. Par exemple, ce qui me fait marrer actuellement, avec l'histoire des gilets jaunes, tout est à 50% actuellement dans les magasins. Oh, pas tout. C'est que moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec le complexe? Je me paye maintenant tout ce que je veux. Mais tant mieux, mais ça veut pas dire. Mais c'est pas un complexe de supériorité. C'est que t'as peut-être fait des études, t'as peut-être eu de la chance. Bref, t'as gagné de l'argent et tant mieux pour toi. C'est pas une question de supériorité. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont blindés, qui sont des trous du cul-nez. Ah bah ça. Et qui sont bêtes et tout ce que tu veux. C'est pas parce que t'es blindé que t'es intelligent. Hein. J'en connais un. Bah, bien moi aussi, sûr, j'en toff. Connais un. Oui, mais bon, je vais te dire une chose. Pour être docteur en sciences, il faut être intelligent. Hein. Mais non, il y a plein de connards. Il faut étudier, mais il ne faut pas être intelligent. Ouais, après, il faut étudier. Si tu arrives à réussir les examens et tout le bordel, tu peux le devenir. Après, tu peux être moins bon. Regarde, il y a des médecins qui sont officiellement des médecins, qui ont fait les mêmes études que d'autres et qui sont mauvais. Oui. Mais oui, bien sûr. Parce qu'ils connaissent tout, ils connaissent tout par cœur, mais voilà, quand il y a quelqu'un qui vient, ils vont pas spécialement fouiller. Ils vont dire, ah bah oui, il y a ça, il a mal à la gorge. Bon, bah, on prend ce médoc-là. Mais il est médecin, pourtant, mais il va pas fouiller. Les gens qui n'ont pas fait d'études, ils sont des tueurs en bâtiment, quoi. Ils te font des maisons, mais c'est vrai. Ça m'impressionne. Non, c'est pas vrai. Moi, je suis portugais, je sais pas faire une maison. Si, bien sûr. Mais toi, t'es l'exception. Même ma grand-mère. Je sais pas faire du béton. Je sais pas coller de briques. Voilà. Bref. On fait des petits profs. Eh ben oui, mais oui, parce que Daniel, attends, parce que pendant qu'on parlait, tu parlais en même temps, mais je t'avais coupé de l'antenne parce que je sais que une fois que tu démarres dans un tunnel, on peut plus t'arrêter. Donc effectivement, on va rester sur les petits profs. Attends 2 secondes, Daniel. Il y a Joël aussi avec nous. Salut Joël. Ouais, salut Mickaël, le grand maître. Ça, oui, très bien Joël. Bienvenue Joël de Rouen. Je voulais souhaiter de bonnes fêtes à Polo, Toff et Miamel. Falbala.

le premier combat avant Caris et Booba, je te propose de faire un combat contre moi. Enfin, Joël et Polo, ça va être un peu moins stylé hein, sur papier. Ouais, mais on s'en branle, parce que tu connais rien, ouais. Ça va crescendo. Ouais, mais ouais, c'est des combattants en devenir. Stop, Joël, parlons d'autre chose. Oui. Tu voulais parler des complexes. Ouais, moi j'ai des complexes. Ah ouais, ça m'étonne. C'est-à-dire, bon alors, vas-y, dis-nous. Moi, quand je suis dans le lit avec une femme qui est toute nue bien faite, je ne peux pas arriver à en profiter de faire quoi que ce soit avec elle. C'est pas grave, appelle-moi, je te remplacerai. Mais comment ça, en profiter? De quelle façon? Teuf qui est sorti d'une boîte de Spring, de Pringles, là. Non, mais c'est-à-dire, Joël, t'arrives pas à coucher avec elle parce que quoi, t'arrives pas à bander, c'est ça? Bah voilà, ouais. Mais comment ça se fait depuis longtemps? Depuis avant ou après le Viagra? La première femme que j'ai eue, ça s'est passé comme ça. Ben non, enfin Joël, t'as 60 piges, il aurait fallu peut-être aller voir quelqu'un avant quand même. Bah j'ai été voir un médecin, il m'a dit il faut prendre les pilules bleues là, mais même avec les pilules bleues ça fait rien. Ah bon? Mais ça c'est fou. C'est bizarre parce que tous les gens que je connais qui ont essayé les pilules bleues, ils ont parlé pendant une demi-journée. Les gens que je connais. C'est très bien. Non, j'ai jamais essayé. J'ai voulu le faire, mais c'est un peu compliqué à obtenir. Donc voilà. Ah, bah oui, mais tu peux pas prendre ça comme ça. Hein. C'est sur ordonnance. Bah, Polo, il l'a pas fait, lui. Non. Mais le chauffe pas, Joël. Mais pourquoi chauffer de quoi? Non, par contre. Ça va finir sur ta mère, je te préviens. Mais c'est pour ça, je sais qu'on va parler des mères. Arrêtez. Non, je vais pas parler de la mère de personne. Par contre, la pilule, je vais te la mettre dans la gueule, espèce de gros. Je vais te montrer, moi, la pilule, si j'ai besoin de pilule. Stop l'agressivité, c'est Noël. Déchirer ta gueule sur un ring. C'est Noël, Amina. Viens sur un ring, tocard. Oh là là. Merry Christmas and Happy New Year. Ta gueule, l'esprit de Noël, je t'emmerde. Viens, Joël. Arrête. Je te prends, je te mets ta gueule par terre. D'ailleurs, en parlant d'esprit de Noël, dans un instant, nous allons déballer de nouveaux cadeaux. Ah, j'ai hâte. Bon, moi, j'avais une vraie question pour Joël. Oui. Je t'attends. Viens demain samedi. Oui. C'est bon, Caris, du calme. Pas Caris. Demain, c'est pas samedi. Le roi du rap game là. Ta gueule. Putain. Non mais Joël. La chérie là qui répond au téléphone. Oh là là. Bon, vas-y Joël, vas-y Amina. Bah maintenant je m'appelle Joël, c'est super. Défends-le. Je voulais savoir parce que tu dis que quand t'es avec une meuf, t'arrives pas à avoir de d'érection. Mais tout seul, est-ce que ça fonctionne ça. Pour pas que non, vous puissiez découper le son. Pardon. Tout seul, même pas, parce que j'arrive même pas à jouir ou quoi que ce soit. Ah, donc t'as un vrai problème physiologique. Ah oui, il fallait contacter quelqu'un, Joël. Bah oui. Un médecin, quelqu'un, quelque chose. Un marabout. À part un médecin, tu voulais contacter qui? T'as un problème avec les marabouts, toi. Ils vont pas. Mais sur les papiers qu'il laisse à chaque fois dans ma boîte aux lettres, il y a écrit genre problème d'érection et tout, genre ils soignent ça à skip. Ouais, enfin il y en a, ils réparent ta voiture à distance. Hein, oui, j'ai vu aussi. Ouais. Est-ce que Toff, il peut me donner la marche à suivre? Non, mais il a pas de marche à suivre, Joël, c'est un médecin que tu dois aller voir. Il est pas médecin, bah, la marche à suivre, c'est je vais te donner ton numéro, tu m'appelles, je m'occupe d'elle et puis tu repasses derrière. Joël, ce que je comprends pas, c'est que t'es mis, bah, je vais pas dire 60 ans, mais bon, 40 piges à te dire. Tu te rends compte que tu m'en démous? Ouais. Il y a un moment, il y a quand même un problème. Bah non, j'ai cru que c'était normal, moi. Mais enfin, bon, Joël, du coup, t'as jamais couché avec une fille, alors? Bah si, j'ai essayé, mais ça arrive pas à rentrer. Attends, mais alors. Ouais, du coup, t'as pas d'enfant à cause de ça? Non, voilà. Bah non, il faut coucher avec quelqu'un pour avoir des enfants, Mickaël, je sais pas si t'es au courant. Bah voilà, oui, je sais pas si t'es au courant, mais il faut pouvoir arriver à... Mais tais-toi, à toi. Oh là là là là. Tais-toi, je vais te défoncer, mais... Mais non, tu vas rien faire. Tu sais pourquoi tu vas rien faire? Pourquoi? Parce que t'es en direct sur rien. Non, c'est pas vrai, j'étais piégé. Ah, vous êtes forts, les gars. Voilà, ah, non, parce que t'as peur de Gaël. Ah ouais, c'est ça. On n'a rien à voir, mais Gaël, il a rien. Non, mais. Ah, je voulais dire, Gaël, t'as qu'à venir samedi. Non, Gaël, il a rien à voir dans l'histoire. C'est un combat d'homme à tocard. C'est des Joël. Là, c'est ça, ouais. Et on va se. Ouais, bref, donc Joël. Joël, qu'est-ce que tu racontes? Joël, il est jamais trop tard pour aller consulter quelqu'un, hein. Et est-ce que Toff, il connaît pas la marche à suivre, lui? Mais Joël, il n'est pas médecin. Défends-le, défends-le. Tu prends ta main et mets les doigts. Mais non, ben, non, où ça non pas. Nulle part, nulle part, nulle part. 21h30, nulle part. Bon, Joël, donc, bah écoute, va consulter un médecin, Joël, un sexologue, quelque chose. Ah bon? Bah oui. Toff, est-ce que Toff a la marche à suivre? Je viens de te donner, je peux donner une autre, mais on va peut-être attendre, non? Oui, on va attendre. Ferme-la. Bon, si quelqu'un éventuellement a le même problème que Joël, sait-on jamais, hein, 01 40 71 5000, on va en parler. On va sur les appels bienveillants également dans un petit instant. Ouais. On va déballer encore l'autre boîte de cadeaux là dans quelques minutes, histoire de c'est Noël, c'est la fête, il n'arrête jamais. Voilà. Et puis on va sur le jeu des 10 mots. Voilà. Et bien sûr aussi le jeu du j'annule. Si vous voulez jouer avec nous, si vous avez prévu de faire quelque chose peut-être pour Nouvel An et que vous allez décider, vous allez annoncer la personne avec qui vous avez prévu de faire quelque chose d'annuler, bah vous allez dire que c'est terminé, vous allez finalement pas au rendez-vous, en voyage, à la fête, n'importe quoi. Il y a des PS4 Pro entre autres à gagner. Juste une question, est-ce que Toff a la marche à suivre ou pas? Mais je ne sais pas s'il a la marche à suivre. Tu as la marche. Eh oui, bien sûr, oui, moi oui. J'ai toutes les marches. Mais voilà. Mais sache qu'il n'a pas eu d'enfant, genre il se fout de votre gueule. Ah ça c'est possible aussi. Bah, après on n'a pas été vérifié. Hein. On n'a pas été vérifié. Bon, on écoute le son de Dean Lewis maintenant et on se fait les appels bienveillants juste après. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your hand but it's cold. You pull away again and I wonder what's on your mind. And then you say to me you made a dumb mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter weren't your friends, they were my mates. And I feel the color draining from my face. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be alright. So I still look back at all the messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past year was gone. And when I touched your face, I could tell you're moving on. But it's not the fact that you kissed him yesterday. It's the feeling of betrayal that I just can't seem to shake. And everything I know tells me that I should walk away. But I just wanna stay. And my friend said, I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go, it'll be okay. It's gonna hurt for a bit of time. So bottoms up, let's forget tonight. You find another and you'll be just fine. Let her go. Nothing heals the past like time, and they can't steal the love you're born to find. I know you love her, but it's over, mate. It doesn't matter, put the phone away. It's never easy to walk away. Let her go. Avec Marnin Ken Smack qui arrive dans un instant. On va faire la fête et s'amuser. On va vous écouter, vous aider et vous offrir plein de cadeaux. C'est cool. C'est ça l'esprit de Noël. Mickaël, Toff, Polo et Aminina sont avec vous tous les soirs dès 20h sur Énergie. Voilà, oui, exactement, on est là tous les soirs dès 20h. Cette semaine du moins, 01 40 71 5000, si vous voulez parler avec nous, vous êtes évidemment les bienvenus. Et nous allons faire les appels bienveillants maintenant. Appel bienveillant donc, bah, toujours avec le même sujet depuis tout à l'heure, hein, bien entendu. Hein, très, très grand sujet, très grave très sujet, beau. Bien sûr, évidemment. Dimanche, il y a un homme qui a été arrêté devant la Maison Blanche, pardon, parce qu'il a sorti son sexe devant les grilles du parc. Alors Trump n'a pas pu voir évidemment, mais il a été arrêté et il va être jugé pour outrage à la pudeur. Alors il y en a beaucoup qui ont dit non, on dit pas outrage, mais après vérification si. Non, on dit outrage public à la pudeur. Non, ça a été changé. Il y a que BFM qui a dit outrage à la pudeur et c'est pas forcément une référence. Il y a parfois, Le Monde aussi qui l'a dit. Ça se dit, les deux se disent en fait. Les deux se disent. Atteinte, outrage. 100% conflit, la nouvelle émission. Mais non, mais pourquoi tu aurais automatiquement raison par rapport à les nous deux se disent, c'est vrai. Le terme a changé dans le code civil, va voir. Oui, bah écoute, en attendant, c'est pas très joli. Il y a des choses qui se disent. Après, je suis d'accord, c'est pas très joli, mais bon. On s'en branle. La règle est la règle. Le plus important, c'est que je prends Joël en combat. Non, là, là, là, là, là, là. Tu vas rien faire. Putain, tu es sûr? Mais il va se faire éclater. Alors là. Les mecs sont là pour choper. Je vous prends bon, les trois, toi, Amina et Joël. Arrête, je vais ma combinaison d'X-Body, je te mets deux patates, mec, terminé. Tu vas te faire électrocuter, mec, t'es tombé deux fois dans les pommes. Ouais, tu veux me parler au tout début, mais t'inquiète. Oh, si, au tout début, mais oui. Ouais, bah voilà, c'est, bah, tout, voilà. C'est tout. Moi, je m'aime bien sur Mickaël, il va te faire casse. Eh ben, je te remercie. De rien, je te remercie. Une victoire. T'auras pas une victoire pour autant, mais je te remercie. Suceuse, va. Bon, on va donc faire les appels bienveillants. Tu vas annoncer la bonne nouvelle à tes amis. Allons-y. Allez hop, on y va. Grâce au numéro comme d'hab que vous envoyez sur toph@energie.com. Tu prends la place de ceux qui débarquent pour la première fois. C'est qu'ils ont pas l'habitude de nous écouter à 23h. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cet arrêt. Bon courage. Voilà. Allô. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce que vous pratiquez l'exhibitionnisme, madame? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Salut. Bah non, pas salut, allô. Ah, ben voilà, très bien. Hop là, voilà, donc ça s'est raccroché, au moins c'est fait. On rappelle de nouveau. Et ça a dû être coupé, hein, une erreur technique. Oui, bien sûr, je... Pas c'est le standard. Oui, bien sûr, le network. Allô. Oui, je m'excuse madame, on a été coupé. Oui. Oui, parce que en fait, voilà, moi, je vous appelais gentiment pour vous demander si vous pratiquez l'exhibitionnisme. Bah, bien sûr. Ah, bah oui, mais faites attention, madame, parce que c'est dangereux, hein. Non. C'est bah, très bien. Si. Il y en a encore un. Et il a montré son sexe devant la Maison Blanche et il a fini en prison. Hein. Ouais, mais on n'est pas aux États-Unis là. Bah oui, peut-être, madame, mais bon, ça reste interdit quand même aussi. Hein. Donc moi, je vous dis ça. Écoutez, chacun fait comme il veut, hein. Bah non madame, chacun fait pas comme il veut, hein. Vous allez pas vous promener toute nue n'importe où. Voilà, donc faites attention madame. Ah ouais. Moi je vous appelle. Vous m'avez vu, bien sûr, personnellement. Ah bah non, moi je vous ai pas vu, je vous ai demandé si vous pratiquiez, vous m'avez dit que oui. Donc c'est vous qui avez répondu madame, c'est pas moi. Bon, vous avez rien de trop à foutre là. Ah bah non, si j'avais autre chose à faire madame, je vous appellerai pas. Ouais, bah je vois ça, hein. C'est bah... d'ailleurs, ils sont meurtres quand même dans la vie quand même, hein. Noël, tout. Bah non, c'est pas ça madame, mais bon voilà, moi j'aime bien partager des bonnes nouvelles avec les gens ou voilà, ou les prévenir quand voilà, il faut qu'ils fassent attention quoi. Ne vous inquiétez pas pour moi. Bah si, je m'inquiète. Non, c'est non, tout. Non, non. C'est tout. Non, c'est tout. Ouais, bon, on peut te souhaiter une bonne soirée, on se fait des poutous. Eh ben voilà, bonne soirée. Allez, bonne soirée madame, bisous. Salut. Hein. À bientôt, au revoir. Au revoir. Bah voilà, elle avait rien à foutre. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai remarqué, au revoir. Ouais. Ouais, rien à caler. Hein. Rien à caler. Bon, eh ben écoute, qu'est-ce que je te dise moi. Dans moins d'une heure, on en appellera d'autres. Hein. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, d'ici là, 01 40. Vous envoyez ça, pardon, sur le mail de Toph. toph@energie.com. Nous allons. Ah, il y a Jackie qui dit pour Joël, je lui propose le professeur Eric, il est de Menton. Il va lui réparer le problème. Il a la marche à suivre, lui. Ah bah, j'imagine, Eric de Montfion. Charling Gals qui dit la chérie qui répond au téléphone. Ah oui, alias Amina, j'aurais pas mis 1€ sur la probabilité d'entendre un jour cette phrase. Oui, bah Amina non plus. De quoi, laquelle? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Mais non, mais quand Joël. Non, c'était Joël ou je sais plus qui avait dit. Oui, Joël. La chérie au téléphone. Ah oui. Il a oublié ton nom. Ouais. Toto Lyon qui dit trop marrant, ces gens supérieurs grâce à l'argent, étouffez-vous avec, s'il vous plaît. Et puis, mais comme j'avais dit, hein, tu peux avoir de l'argent, être un abruti sans nom et être. Sans un bal et être intelligent, hein, ça veut rien dire. Jordan qui dit Daniel, la production des anges. Ah oui, je l'avais déjà lu préparé pour le contrat. Et puis Charling Gals a fait en 2019, écoutez Mickaël, gagner une Nintendo Switch et la revendre à Toph. C'est une idée. Il est capable de l'acheter. Non, en tout cas, quoi qu'il en soit, je rappelle que dans moins d'une heure, on tire au sort l'un d'entre vous sur Instagram, M-I-K-L officiel. Et on vous filera la Nintendo Switch. Il faut venir me rejoindre, me follow donc hein, sur Instagram, comme je le disais, Mickaël officiel. Là, vous allez voir un post avec la Nintendo Switch. Et il suffit simplement de liker, de commenter. Je tirerai au sort parmi vous, parmi un des pseudos et un des noms. Je donnerai ce nom ou ce pseudo à l'antenne. Et cette personne aura 15 minutes pour nous joindre au 0. 1, 40, 71, 5000. Vous restez là, dans un instant on se fait le jeu du Janul. Si vous voulez jouer avec nous, bah, vous nous appelez. Et puis on écoute le son de Marnik & Smack maintenant sur Énergie, la chanson préférée d'Amina. Ouais, j'aime bien. Bah oui. Bah, elle fait une tête bizarre alors qu'elle dit ah oui, j'adore, elle dansait. Allez voir la chorégraphie sur Mariah Carey et Justin Bieber d'ailleurs sur Facebook. Bienvenue sur Énergie. Il est 21h42. On est tous les soirs en direct de 20h à minuit cette semaine. La semaine prochaine, on récupère notre horaire normal également, évidemment, à partir de 23h. Vous restez bien là. On va se faire le jeu du Janul, le canular, tous les mercredis soirs. On fait ça dans un instant. Bon, on se met la pub en speed. On vient dans 1 minute 20. Bougez pas de là, c'est Mickaël sur Énergie. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Mickaël sur Énergie. Reviens juste après ça. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. 8% des gens ont déjà acheté un cadeau d'anniversaire dans une station-service, j'en fais partie. Mais qu'est-ce que t'as acheté là-dedans? De la merde. Bah oui. Alors, t'as le choix, soit t'achètes un chargeur universel, soit t'achètes une compile énergie, mais pas la dernière, celle de 88. C'est le principe de la station-service. Manu dans le 6-9. Manu, papa, palaba. 6h, 9h30 sur Énergie. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Gagnez en exclusivité sur Énergie votre super séance en avant-première de Nicky Larson et le parfum de Cupidon en présence de l'équipe du film. Ah bon ? Connectez-vous dès maintenant sur énergie.fr et gagnez votre super séance dans votre ville juste pour vous et vos amis. Nicky Larson et le parfum de Cupidon, la nouvelle comédie de Philippe Lachaud le 6 février au cinéma avec Énergie. It's music only. Noël, les fêtes. On est pressé. On est stressé. Vite, vite, on achète, on achète. On se bouscule et on court. Il manque des choses. Alors on court. Encore et encore. Tout est là. On n'a rien oublié. On va pouvoir s'amuser. Mickaël et toute la team. Sur Énergie, dès 20h. Eh ben oui, on est là tous les soirs des 20h, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a, Mina? Oui, mais c'est toi, il a fait de la merde. Mais j'ai eu peur, j'ai vu que t'avais encore été saboté. Mais évidemment. Bon, vous restez là, on se fait maintenant le jeu du Janul. Jeu du Janul avec Aude, et je vous invite aussi encore, puisqu'il reste 3/4 d'heure maintenant, à venir sur Facebook, sur Instagram, pardon, pour gagner votre Nintendo Switch ce soir. Il suffit de venir follow mon compte, M-I-K-L officiel. Je tire au sort l'un d'entre vous d'ici 22h30. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Du coup, on va prendre, avant d'écouter Aya Nakamura, nous allons accueillir Aude de pour jouer au jeu du Janul. Salut Aude. Salut l'équipe. Comment ça va? Hello. Ça va bien et vous? Bah écoute, ça va très bien. Très bien également Aude. Très bien. Bon, t'appelles de Bissontaine dans le 88, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Très bien. Et nous allons jouer au jeu du Janul. Le jeu du Janul, c'est très simple. Tu vas donc piéger quelqu'un avec qui tu as prévu de faire quelque chose. Bientôt, par exemple. Et idéalement, c'est bien quand la personne, c'est genre, par exemple, si c'est un voyage ou un week-end, que la personne est payée, comme ça t'arrive, tu dis, oh, bah, finalement, j'annule. Donc, du coup, le mec ou la meuf est vénère. Mais c'est pas obligatoire. Ça peut être quoi? Et ça va être quoi, Aude? Bah en fait, on a prévu un nouvel an avec une dizaine de potes. Oui. C'est une, on va dire un repas dansant, en fait. C'est organisé par une association. Repas dansant. Tu manges en dansant. Et voilà, c'est ça. Et t'en as partout. C'est très pratique. Et c'est celui qui a fait le moins de tâches qui gagne. Voilà. Exactement. Faire attention parce qu'avec les personnes âgées, des fois, c'est dangereux. Hein. Ah, bah bien. Ah bah, des dents qui se perdent, tout ça. Non, exactement. J'ai déjà entendu une fois un jour de l'an une dame âgée qui s'est étouffée avec. C'est-à-dire une vieille. Non, pas du tout une dame âgée. Une vieille pauvre. Une vieille dame. Une vieille bique. Non, mais pour de vrai, elle s'était étouffée avec une crevette. Elle est morte le jour de l'an. Ah oui, mais ça peut arriver à n'importe quel âge. Il y avait Bouche, ouais, qui a failli mourir avec un bras de zèle. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, bah écoute, oui, après. Donc les repas dansants, attention quoi. Ça peut arriver, méfiez-vous. Vous avez vu la rabat-joie là? Bah non, mais attends, je mets en garde. Oui, mets en garde. Ouais. Bon, et donc du coup, Aude, donc t'avais prévu, donc t'as un petit repas dansant là, entre amis, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et en fait, ma sœur, je l'ai invitée à se joindre à nous en fait. Et elle connaît vraiment sans plus mes potes, voire elle les apprécie pas. Et bah, donc je vais lui dire que je vais pas venir. Ah ouais, donc elle va se retrouver sans toi là-bas, c'est ça. Alors que c'est tous tes potes. Voilà. Ah parfait. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, c'est pas mal. Elle connaît pas ou n'apprécie pas trop en fait. Évidemment. Bah écoute, très bien, ça me paraît pas mal. Est-ce que t'as un mec, Adeline? Aude, pardon. Adeline, c'est oui. Très bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir comme rôle là-dedans? Alors, parce que d'habitude, je joue le rôle du mec éventuellement. Bon, là, t'en as déjà un, ça passera pas. Bah un pote. Ouais, ça peut être le pote éventuellement. Qui t'a proposé de faire autre chose que ça. Et donc, du coup, t'as décidé de lâcher l'affaire. Ou tu fais le pote qui va la chaperonner pendant la soirée? Qui va quoi? Qui va s'occuper d'elle pendant la soirée. Ah ouais, du coup, elle vient pas. T'as vu les photos, ah tu la trouves bonne et du coup, t'inquiète, ça va aller, moi je vais m'occuper d'elle. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, je peux être le pote qui va passer la soirée avec ta copine, justement, du coup. Ta sœur. Et voilà. Qui, ta sœur, pardon. Et donc, du coup. Le remplaçant, du quoi. Coup, ouais, c'est ça, je remplace, quoi. Mais t'inquiète, mais comme je vais évidemment passer pour le gros lourdeau, ça devrait être pas mal. Bon, ben écoute. Est-ce que Toff peut pas faire le mec de la. Comme il a très bien fait lors du. Le traiteur. Noël, le traiteur. Ah, bien sûr. On peut, bien sûr. Je peux traiter. C'est totalement possible. Et alors, ça se passera où, la petite soirée dansante? Ouais, que je sache où j'amène les plats. C'est dans une salle des fêtes à Épinal. Salle des fêtes à Épinal. D'accord. C'est sous Amina. Pardon, merci. Très bien. Salle des fêtes. Et il y a plus ou moins combien de personnes attendues? 200 à peu près. Ah, quand même? Ah, oui. Ah, bah oui, monsieur. Ah, c'est un concert, c'est un concert. Ouais, Joule, là. Franchement. On n'a pas les mêmes potes, hein. Non, mais attends, 200 personnes, c'est chaud quand même, hein. Enfin, c'est beaucoup. Même à mon mariage, j'aurai pas autant de gens. Mais quel mariage? Tu vas te marier? Bah, bien sûr, je vais marier. Avec qui? Franchement, je pense, si tout va bien, 2023, si je me démerde bien. Ah, ouais. Je crois, c'est ce que j'ai prévu. 19, 20, 21. La meuf, elle a un calendrier. Mais non, mais je suis censée rencontrer mon mec en 2019. Donc après, genre, pendant un an, on fait genre que je suis sympa. Tu l'as déjà rencontré devant toi et Polo qui est là. Oui, mais je peux pas le dire. Mais attends, mais pourquoi 2019? Parce que j'ai plus le time. J'ai fait un rapide calcul. Donc si pendant un an je fais genre d'être meuf cool, au bout d'un an genre on se fiance un an pour préparer le mariage, on est déjà 2020, tu vois. Ensuite on c'est fait ça, genre qu'on quitte un la an vie, pour être une bonne chouin à l'ancienne. Mais c'est toi. Pour 2022 on a la baraque, tout le bazar. 2023 bébé. Voilà. Mariage, pardon. Ah, bébé, ça non, y est, cap. Non, non, mariage. 2024, non, mais... divorce, et elle prend la moitié. Mais c'est ça, et après je kiffe ma life. Mais c'est sérieux, c'est vraiment un calendrier. C'est un vrai calcul, ouais. Oh là là. Bah ouais. Mais les filles ne calculent rien, mais on fait tout ça. Elles ne sont pas matérialistes. Mais pas matérialistes. C'est toi qui parles de divorce et de d'oseille. Ouais, mais t'as confirmé en disant, mais bien sûr, et après, je vis ma life. C'est tant qu'à faire. Parce, parce que moi, j'ai lu les petites lignes du contrat. Oh là là là là. C'est ça. Bon, Aude, allez, ne bouge pas, on va se mettre un son et puis on va l'appeler juste après, d'accord? Ok, ça marche. Allez, très bien. Bon, non, c'est Polo qui me fait rire. On écoute Ayana Kamura maintenant sur Énergie et on revient avec le jeu du Janul et Aude et la sœur aussi, juste après sur Énergie. Du thé où je te rejoins en tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plan bête, t'as ma tête fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Putain, Toff, t'es relou là. Ah pardon. Mais ah merde. T'es sérieux là, mec? Ah, il y avait le bouton rouge, je voulais appuyer pour ça. Mais t'es con quoi? Il y a marqué diffusion. C'est quoi ce manque de respect? Vous êtes sérieux? Mais on l'a pas fait exprès, c'est Toff. Arrête d'inventer. Mais j'étais en train de chanter de faire un karaoké comme par hasard. Comme par hasard, ça pète. Mais ça pète, t'arranges avec ton karaoké, t'arranges avec ton best avec Toff. Ah mais je l'ai vu en train de couper un fil. Mais vous êtes malade. Tout autour de toi, on se prépare. T'es pas si bête, t'as compris, c'est les fêtes. Les fêtes. Tu peux pas les esquiver. Tu fais semblant d'être content. T'es prêt? Bonne fête à tous. Mickaël, Toff, Polo et Amina sur Énergie dès 20h. et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Mais si vous voulez au 01 40 71 5000, vous pouvez toujours avoir Amina qui continue à chanter elle-même hors antenne. T'es la plus bonne, bonne. Bonne de mes copines. Bombarder et je peux faire jazz si vous voulez, parce que Paulo vient de dire que c'était bombardé, parce qu'il y a deux secondes il disait Bob Marley. Non, c'est bombardé. Bob Marley. N'importe quoi, je suis pas ta cata en jadjadjer, en Katiana Baby, tu dates ça. On écoute Alci dans quelques instants. Il y aura également The Prince Karma ou encore David Guetta. Et puis nous allons récupérer Aude pour jouer avec nous au jeu du Janul. T'es toujours là, Aude? Je suis toujours là. Très bien. Bon, Aude, nous allons appeler ta sœur Adeline avec qui tu as prévu une petite soirée repas dansant, soirée dansante, avec 200 personnes invitées à la salle des fêtes d'Épinal. Bon, c'est un détail, mais ça pourrait avoir son importance dans le canular. Et donc, tu vas lui faire croire que, ben, donc toi tu l'avais invitée, mais c'est que. C'est que des gens que tu connais toi, elle connaît personne. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, pas ou elle les apprécie pas trop. Voilà, donc c'est très bien. Et donc du coup, tu vas lui dire, bah écoute, voilà, en fait, bah je peux pas venir parce que j'ai prévu de faire un autre truc, mais franchement, faut que tu y ailles, tu vas te marrer et tout. Et puis t'inquiète pas, j'ai prévu, il y a un pote à toi, donc Michel, c'est moi, qui va s'occuper d'elle, bien sûr. Elle ressemble à quoi, Adeline? Ouais, elle est jolie, elle est plantureuse avec des yeux bleus. Plantureuse. Les plantureuses. Je note plantureuse, je penserai le remplacer. Ouais. C'est un peu avec beaucoup de seins, des trucs comme ça, tu vois, elle a des formes. Ouais, elle est grosse. Non, elle a des formes. C'est formes. C'est pas toi qui dis ça. Non, elle est pas grosse, c'est des belles formes. Non, c'est juste au niveau des boobs, on va dire. Juste, donc elle a des gros boobs, comme dirait Amina. Putain, ça c'est le top, c'est une brune aux yeux bleus avec des gros nibards. Ah ouais, ça c'est. Bah, il y en a plein. Je te remercie, je sais qu'il y en a plein. Bah non, mais je te dis, c'est un truc de fou. Il dit, c'est le kiff. Ouais, n'importe cool, quoi, ça va après tout. Si elle met des lentilles, c'est pareil. Oh là là. Non, mais c'est vrai. Quelle lourdeur. Bah, ouais, brune, plantureuse. Ouais, par contre, il faut au moins 3 pour s'occuper de ses seins, quoi. Oh, oh, elle a fait une réduction mammaire en plus. Ah bah, quoi. Bon, ouais, c'est bon, de la plus que bon, est-ce que t'es terminé? Oui. Aude, donc très bien, ok. Et bah, moi, je veux dire qu'évidemment, moi, je kiffe les brunes aux yeux bleus. Bon, bref, avec des gros boufs, évidemment. La classe. Et donc, bah, évidemment, je vais passer pour le lourdeau. Le but, évidemment, c'est qu'elle y croit, forcément. Et l'autre but, c'est qu'elle s'énerve. Elle a tendance à s'énerver facilement ou pas spécialement? Ouais, si, ouais. Ouais. Elle est un mec, elle? Plus ou moins. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, mais plutôt plus ou plutôt donc moins? Là, c'est plutôt moi que plus. Ah. D'accord, ok, très bien. Ok, bon. Voilà, c'est l'occasion de rencontrer quelqu'un d'autre. Exactement, plus. Michel, beau, grand, fort, intelligent, blablabla. Et lourd. Blablabla. Oui, mais ça, c'est un détail, c'est un accessoire. Très bien, on y va, Aude. On appelle Adeline maintenant. Je te laisse jouer au début. Et puis, quand je sentirai qu'elle s'échauffe, qu'elle s'énerve un petit peu, là, boum, je m'insérerai dans la conversation. Ok, ça marche. Allez hop, c'est parti, on y va. Bonne chance, Aude. Merci. Et bonne chance, Michel, évidemment. Évidemment, évidemment. Michel n'a pas besoin de ça. Il a besoin de chance. Oui, allô? Qui appelle son chien? Oui, salut, Adeline, c'est Aude. Oui, salut. Ça va? Ouais, toi? Oui, je te dérange pas? Si non, mais tu m'entends bien là, parce que je capte pas de trop. Oui, oui, je t'entends un petit peu de loin, mais c'est pas grave. Dis, je vais aller vite droit au but. En fait, je voulais te dire qu'il y a un petit souci pour le soir du 31. Ouais. En fait, il y a Aurélien qui vient de trouver un plan en fait pour qu'on puisse faire un nouvel an, qu'on aille sur Paris et puis qu'on fasse un truc sympa. Donc. Le truc, c'est que la soirée qu'on a réservée, ouais. Bon, il n'y a rien de grave. En fait, tu te retrouves pas toute seule. Hein. Tu seras avec tous les autres que je t'avais dit qui venaient, quoi. Mais toi, tu pars où, là? Tu pars à Paris, du coup? Bah, ouais, normalement, on va à Paris. Bah, c'est quasi sûr. Aurélien a réservé. Mais normalement, c'est tous tes copains-copines? Oui, mais c'est pas grave. Toi, on a un petit peu, quand même. Ça va. J'ai vu trois fois... Attends, ça va, t'es pas sauvage, c'est même, quoi. Hein? Bah, t'es pas sauvage, c'est bon, tu les connais. Je les ai jamais vus. Ah bah oui, super, avec l'autre casse. Bah, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est contente ou pas? Moi, t'inquiète pas qu'elle soit rassurée, je resterai avec elle toute la soirée, hein. Tu crois que t'as reconnu la voix? Non. C'est non, mais attends, non, mais attends, parce que là, je suis en train de réfléchir à un truc. Alors, tu aimerais. Alors, super, avec Violette. Le gros cassos, l'autre qui a plus de dents, bah voilà la soirée, super. Hein. Oui, bah c'est bon aussi. Putain, Je t'avais dit que je voulais pas y aller là-bas. Tu me dis, si on y va, c'est pour te changer les idées. C'est pour te changer les idées, c'est bon. Eh bah quoi, mais moi je vais lui changer les idées, y a pas de problème, hein. C'est qui? Je vais bien rigoler avec Michel. Demande-lui si elle boit un petit peu de champagne. Oh ouais, elle sait boire, ouais, elle boit quand même. Ouais, ah. Oui, bah bien sûr, bah c'est sûr, avec toutes les têtes de fou qu'il va y avoir. Si j'avais su, Yoann, il m'avait proposé d'aller à Saint-Dié, j'aurais dû aller à Saint-Dié avec lui. Tu m'as non, dit. Non, mec, dis-lui qu'elle s'inquiète pas, hein, je vais m'occuper d'elle. C'est qui là derrière? C'est encore un peu. C'est Michel qui s'occupera un petit peu de toi. Ah oui, c'est Michel. Une petite soirée tranquille. C'est qui, Michel, comment? Mais Michel, là. Mais pourquoi? Attends, sinon, passe-la moi ou mets le haut-parleur, comme ça j'entendrai un peu mieux. Mais attends, je te la passe. Ah. En plus, là, j'en fais comme une voix de canard, alors. Allô? Allô? Oui, c'est Michel. Bon, faut pas que tu t'inquiètes, hein. C'est vrai qu'on se connaît pas, mais voilà. Après, Odel m'a expliqué un petit peu là. Bon, y a pas de souci, hein. Je me suis dévoué là pour passer la soirée avec toi. Y a pas de problème, hein. Bah on va bien rigoler quand tu vas voir l'équipe de Cassos, tes potes. Déjà, je voulais pas y aller. Elle me faisait pitié, je suis allé avec elle. Ouais, mais bon, après, non, mais moi je les connais, hein. Y a pas de soucis, justement. Je te montrerai ceux qui sont bien, ceux qui sont cons. T'as de la chance, moi je suis côté bon. Comment? Ben, je m'appelle Michel. Non, mais ton nom de famille. Bah, pourquoi tu veux savoir ça? T'es de la police? Bah, oui, que je regarde sur Facebook un peu ta tête, parce que quand je vois les cas. Ah, mais attends, mais je vais t'envoyer des photos si tu veux, c'est pas un problème, hein. Bah, d'accord. Parce que moi, elle m'a montré. Elle m'a montré des photos de toi, et bon, voilà, ça m'a fait. Au début, je réfléchissais, et puis bon, voilà, enfin, je vais rester gentleman, mais t'es bonne, hein. Ouais, je sais que je suis une belle gosse, tout le monde me dit. Mais bon, c'est pas le. Non mais enfin voilà, moi c'est voilà, je voulais simplement être honnête, hein, voilà, y a pas de souci, hein. Non mais parce que j'ai mon copain là qui est en train de me dire t'es qui là. Alors ça. Oui, mais c'est pas grave. Mais quoi, il vient aussi le copain? Non, il est pas là. Je vais faire nouvel an avec, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. Oh bah voilà, c'est une erreur de parcours, t'inquiète pas. Erreur de parcours, il va avoir un accident grave de parcours là. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, c'est qui qui parle? Tu peux. Bah, tu peux pas mettre. Tu peux pas mettre ton chien en garage? Mon chien en garage, qui dit. C'est Michel, c'est un copain de route, qu'elle dit, soit disant. Mais c'est ton chien de garde, c'est qui? Mais c'est mon copain! Ah putain, j'avais entendu quelqu'un qui aboyait! Attends, mais en même temps, t'as de la chance que je me dévoue pour t'accompagner, là! Bah, que je me dévoue, bah on va rigoler, mais attends, tu verras bien, de toute façon, Yoann, elle m'avait proposé d'y aller, là, je dis à Oud, ok, on va à Nouvel An, et au final, pourquoi? Alors, attends, on va rigoler, la belle brochette, un cassos, l'autre qui fait que parler des gilets jaunes, alors attends, on va encore s'éclater. Ouais, mais bon, alors quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'es contre les gilets jaunes? Bah, je sais pas que je suis contre les gilets jaunes, je m'en fous, mais il faut que de parler de ça. Eh bah oui, bah on parlera pas que de ça, hein, c'est pas un problème, hein. De toute façon, si on peut ne pas parler, moi j'ai plein d'autres projets, hein, si tu veux, pour la soirée, hein. C'est pas un problème, hein, ça aussi. T'habites où, toi? De quoi? T'habites où? Bah, j'habite pas loin de chez Aude, à Bicentaine, pourquoi? Tu veux venir ce soir? À Bicentaine, ça m'étonnerait, hein. Tu veux venir ce soir? Bah ouais, vas-y, je viens ce soir. Ah bah d'accord, bah, tu viens pas avec ton chien de garde, hein. Bah là, de toute façon, je vais sur la route, faut que je remonte à ramener un truc de cadeau d'anniversaire, faut que je ramène. Ah bah donc, super. Yes. Parce que ta soeur m'a dit que t'avais des gros seins, alors du coup je me suis proposé, tu comprends? Bah non, bah c'est pas pour ça qu'on va aller au Nouvel An ensemble, je te le dis, moi. Non mais d'accord, non mais après voilà, ah, c'est maintenant il y aura le pervers en plus. Quel pervers? Qui est pervers ici? Non mais par contre, vous allez où là? Parce que c'est bah, à côté de moi. Allô? Bah je te la repasse si tu veux. Bah oui, ouais. Attends, Aude. Ouais, bah reviens. Oui, elle va te reparler. Oui, c'est bon, bah apparemment c'est bon, on y va à deux. Non, ouais, c'est ouais, pas y a bon, pas, c'est y a pas, bon. Pas de soucis. Je suis les parents dans 10 minutes, attends. Très bien. Il y a ouais, bah, et c'est-à-dire que. Non, mais en fait, non, mais là, j'ai mis sur mute, donc elle entend pas ce qu'on dit. Non, mais je te la repasse, justement. Non, c'est bon, ça a l'air d'être une chaude lapine. Hein. Oh, celle-là, à mon avis, bon, après, c'est ta soeur, avec tout le respect que j'ai pour toi, mais je pense que. Elle va prendre cher, hein, ce soir. Elle va s'en souvenir du 31 au 1er. Ah, bah là, le passage de 2018 à 2019, je peux te dire qu'elle va marcher en canard pendant un bout de temps. Elle va prendre très cher. Ouais, tiens. Bah, tiens, je te la repasse. Oublie pas de pousser sur mute, hein, pour qu'elle entende. Ouais. Ouais, Adine, allô? Ouais, t'es où là? Oui. Je suis à la maison. Bah, mon parent dans 10 minutes, donc je passe. Michel, il a dit qu'il était de Bifontaine. C'est Michel, comment? Bah, puis pourquoi? Tu veux faire quoi de plus de le voir? Ça t'apportera quoi de plus? Bah attends, tout le monde dit photo de moi et tout, il y a Yohan à côté, il gueule comme un putois. Ah, j'ai montré une photo, c'est pas grave. Eh, on l'entend plus ton mec là, ou ton clébard là. C'est drôle de sortir avec un mec qui a une voix de chienne quand même, hein. Medina Mina. Hein. Ouais. Écoute, non mais parce qu'il est fan nerdy, là, je te dis direct. Ouais, je préfère rester poli parce que l'autre, il commence à me plaire, celui-là. Allez, couchez. Coucou, je panier. C'est plus intelligent, parce qu'un mec comme ça qui parle, il est pire que ça. Attends, ça va, l'autre. Hey, il est dans ta vie depuis deux jours, on a l'impression que c'est le père de tes enfants. Faut que tu redescendes, hein. De toute façon, il va se faire dégager comme tous les autres, hein. Faut pas qu'il croive qu'il est au-dessus des lois. Non, mais il faut pas qu'il croive, hein, parce que si j'aurais le temps, moi je serais venu, hein. Non mais attends, pour qui il se croit lui? Ah ben elle a raccroché. Oh, par contre il a l'air. Je pense que tu as mis un peu le bordel. Aïe. Aude, c'est pas bien, t'as foutu le bordel dans la belle famille. Enfin dans la belle famille, dans ta enfin chez le beau-frère quoi. Bon Aude. Bonne année Aude, à bientôt. Et bonne année, à bientôt. Salut Aude. Alors vous allez passer un super réveillon là. Grave. Bon attends, on rappelle, je le rappelle. Bah rappelle-le toi, moi je parle pas. Enfin pas tout de suite en tout cas. Oh t'as peur. Je suis pas peur. Ouais. Oui, bah c'est bon, calme-toi, ouais, hein, pas besoin de raccrocher non plus. Il y a Yohan qui est en train de péter un câble, là. Je te jure, il va tout péter. Et pourquoi? Bah attends, parce qu'il y a Michel, il fait deux compliments, ça y est, c'est bon quoi. Il va sauter, 2019, je l'ai vu dans les cartes, il saute. Arrête. Laisse, si ça continue, on ira pour le nouvel an, laisse tomber, on ira avec. Bah si, justement, tu feras sa connaissance. Emmène Yohan avec toi, comme ça, il fera la connaissance de Michel. Non, Michel, bien sûr. Donne-le voir sur Facebook, on regarde sa tête sur Facebook. Ouais, je connais même pas son nom, c'est Michel, on l'avait rencontré il y a quelques mois, mais voilà. Les 10 personnes qui sont là. Mais attends, t'inquiète, je peux lui envoyer, hein. Je peux lui envoyer les photos, elle verra directement que je suis pas un gilet jaune du rond-point comme son mec, hein. Oui, on verra bien. Tu vas rigoler, tu vas voir la belle brochette qu'il va y avoir, je te le dis. Déjà, les trois corps, c'est des personnes que tu connais, ça fait moins de deux ans. Non, mais elle ne comprend rien, enfin j'en ai rien à foutre de la soirée. Moi, ce que je veux, c'est de casser les pattes arrière, c'est tout. Putain. Ou vas-y, il y a du détente, mais c'est bon. Humour, hein, on détend pas un peu. Hein. Il passe le casting de Confessions Intimes ou quoi l'autre animal, là, derrière? Non, mais t'as déconné, putain. Passe-moi. C'est quoi? Vas-y, Kira, viens. Non, on va rigoler. C'est un connard, non, je peux pas y aller. Il a peur. C'est bon, là-haut. T'as peur? Bah viens. Allez, viens. Il a peur de moi ou quoi? Grosse victime, va. Je monte, laisse tomber. Dis-lui que j'ai juste un truc à lui dire. Non, je dis plus. Mais si, dis-lui, j'ai juste un truc à lui dire. Ça va lui faire plaisir en plus, promis. Viens, c'est bon. Viens, putain. Dis-lui que j'ai juste un truc à lui dire. Tu t'en vas. Je vois. Allô? Ouais. Bon, j'ai qu'un seul truc à lui dire. Faut que je le retrouve, il est parti dehors, je crois. Il est parti où dehors? Vous habitez dans un château ou quoi? Putain. Ah oui, c'est chaud. Bon, enfin, il s'est pas volatilisé quand même. Putain. Mais vous habitez dans un combien de pièces? 160? Ah oui, bah non, reviens là où t'étais parce qu'on t'entend plus là. Adeline? Allô? Elle est descendue la cave. Oui, bah, je sais pas où il est. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Adeline? Adeline? Non mais mec, c'est Barry quoi. Oui bah tu vas pouvoir le rappeler dans un instant, t'inquiète pas. Bon Adeline, c'est Mickaël, t'étais sur Énergie. Enfin tu l'as encore hein, mais c'était le jeu du j'annule. J'annule la soirée en l'occurrence. Mais si, mais si. Oui apparemment le coup. Eh, je t'avais dit 2019 il va sauter, bah voilà. Détends-toi, j'écoute quoi. Eh bah il a sauté directement. Bah voilà, ça y est, c'est fait. Tu vois, j'ai même vu trop loin là. Je sais pas où, il va falloir chercher une autre, hein, peut-être. Ah bah peut-être, on va savoir. Bah il perd pas de temps en tout cas, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. En finit l'année en bout. Bon, ça va sans rancune, t'es pas trop fâché? Non, Non, sans aucune, bon. Et le cadeau. Ça monte en pression quand même. Ah bah non, je t'en prie. C'est bon, t'es rassuré, on vient quand même, Adina, t'inquiète. Oui, oui, tu vas passer la soirée avec des cassos, ils vont être contents s'ils écoutent. Ouais, le gilet jaune, apparemment, l'autre qui a plus de dents, je sais pas quoi. Ça va être bien. Bon, Aude. Ça a l'air d'être une bonne soirée. Aude, le cadeau, il est pour toi ou pour Adeline? Ah oh bah pour moi, le temps qu'elle retrouve son mec. Elle nous aussi, moi, cadeau. Hein. Ah bah tu t'arranges avec Aude, hein, il n'y en a qu'un seul, donc vous le partagez, peu importe, hein, débrouillez-vous les filles. Bon, Aude, on va te filer, tu vas voir pourquoi j'ai Amandine, moi. Avec Amina dans un instant, il y a des PS4 Pro, il y a des AirPods, il y a les Fujifilm également, les appareils photo, les Instax Mini ou le casque Bose Supra Oral. Tu gères ça avec Amina, je te la repasse de suite. C'est salut Amandine, Aude, hein. salut Adeline. Allez, à bientôt les filles, ciao. Bon, et ben voilà, on va s'en refaire un autre la semaine prochaine. Si vous voulez jouer avec nous, n'hésitez pas. 01 40 71 5000. J'ai eu une agression en propos des fautes de français que j'avais faites. C'était fait exprès, bien évidemment, hein. Bah oui. Non mais attendez, là, parce que c'était tellement gros là, Ça se dit pas. Je peux en faire, hein, parfois, ça arrive. T'es quand même au courant de comment on parle. Bien sûr que je suis au courant. Bon, on écoute Alcy maintenant. On revient après avec le déballage des autres cadeaux là de Stéphanie, des gros paquets. Et puis vous en direct avec les appels bienveillants, avec le jeu des 10 mots. Et puis vous, comme d'habitude, hein, 01 40 71 5000. Et M.I.K.L. officiel sur Instagram, il y a Nintendo Switch à gagner dans 20 minutes. Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh then fuck them all. And then I've got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you can take it. Too far away to hold me. You know I'm the one who put you up there. Name in the sky. Does it ever get lonely? Thinking you could live without me. Thinking you could live without me. Maybe I'm the one who put you up there. I don't know why. Thinking you could live without me. Live without me. Your mind, then I took yours and made them mine. I didn't notice 'cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you can take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You did. I already know. I had to go and find out from them. So tell me, how's it feel? Soirée sur Énergie, Big Flo Oli, Prince Karma, David Guetta à suivre. Et puis n'oubliez pas aussi d'ailleurs que dans 20 minutes, 19 pour être précis, je donnerai le nom du gagnant ou de la gagnante pour la Nintendo Switch, des gens qui se sont inscrits sur le compte Instagram de l'émission. D'ailleurs venez me follow si vous voulez jouer, c'est M-I-K-L officiel. Je tire au sort d'ici 20 minutes. Voilà, comme ça vous savez tout. Et ne bougez pas de là car nous allons déballer encore d'autres cadeaux dans un instant après la pub. Vous ne bougez pas justement, on est là tous les soirs cette semaine entre 20h et minuit et d'habitude à partir de 23h sur Énergie. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Mickaël sur Énergie revient juste après ça. Gagnez votre enceinte connectée avec le double hit Énergie. Hey, what's up Énergie, c'est DJ Snake. Écoutez Énergie toute la journée.

Je sais pas, on verra. C'est-à-dire que c'est Stéphanie qui nous a envoyé trois colis énormes. Un qu'on a ouvert tout à l'heure et qui s'est filmé sur Amical Officiel, le deuxième colis. Un autre colis qui doit faire 6,8 kg, je crois, et un autre qui fait 4,7 kg. Donc on va ouvrir le second, là. Enfin, je sais pas si c'est le second ou le troisième, mais bon, hop là. Faut que je me déplace. Ah oui, oui. Non, t'as rien demandé. Bah, c'est pas nécessaire. Oui, forcément, comme ça, vous allez vous répartir les cadeaux entre vous. Exactement. En cachette. Mais il y a des noms dessus. Non, oui, oui, ça se trafique, hein, je vous connais la mafia. Hein. Quoi, nous ? Oui, oui, vous. Ah, alors que c'est Mickaël l'honnêteté qui ouvre le paquet. Exactement, déballage. Bon, je viens parce que j'aime les cadeaux. Hey, il adore ça. Ouais, oh, j'aime les cadeaux. Les règles, ouais. Les règles, et recevoir des trucs. Les oh là là là là là. Recevoir des trucs et bicrave des trucs. Pour le coup, blague à part, faut vraiment la contacter, Stéphanie, lui filer un cadeau. Hein, parce que là, tout ce qu'elle a mis là, oh la vache. Mais non, mais elle est pas. Elle est malade. Oh là là. Attention, est-ce du gras. Il y a un gigot dedans. Il n'y a pas de gigot, non. Il y a un paquet de chips là. Ah. Encore ? Pour Christophe. Ah ben oui. Et bon appétit, ça gros. Merci. Jambon fumé. Oh bah parfait. Oh, je vais partager avec mes collègues. Oh. Ah, moi j'adore ça. Partage avec Polo. Hein. Alors, un cadeau pour moi, j'ouvrirai après. Ah, un cadeau pour Christophe encore. Attends, mais elle le kiffe, Christophe. Elle écrit Mickaël. Ah bah oui. Je ferme l'ordinateur parce que je te connais. Attention, c'est un peu lourd, ça a l'air lourd. J'aurais voulu viser le micro, j'aurais pas réussi. Là, tout est cassé. Bah non, mais non. Du. Attends, c'est pour qui ça ? Ah bah parfait. Du nougat pour Polo. Mais ouais, mais bon. Hop là, qu'est-ce qu'il y a ? Il est pas content ? Je peux dire merci. Merci. Ah bah je vais vraiment sentir. Et je vous préviens, cette année, je vais sentir bon. Pourquoi ? C'est quoi maintenant ? Et maintenant, j'ai après Brut, j'ai reçu Scorpio. Scorpio, c'est. C'est. C'est le truc des robots. Eh, mais pas, non, mais. Non, mais pas. Attention, du nougat pour Polo. Oh là là. Deux paquets. Merci, c'est gentil. Un autre cadeau pour Mickaël. Mais ouvre-le au lieu de faire le mec. Je vais le faire après. Oui, pour les. Les chocobons pour Amina. Oui, merci. Celui-là je le garde parce que je vous rappelle qu'à Energy on nous a volé. Vraiment vous voulez pas sentir Scorpio parce que ça a l'air non, bon. Non, stop. Il est con celui-là. Ah non mais Scorpio ça me donne la gerbe moi. Putain. Bon c'est vrai ça, ça tombe bien. Non mais c'est goût mais moi j'aime pas. Y'a plus rien Amina. Y'a plus rien. Arrête. Y'a plus de cadeau. Non c'est bon. Stop hey, bon. Viens où te parfume jusqu'à la mort. Y'a plus de cadeau. Stop. Arrête. Abuse pas à l'autre. On a plus de l'enfant du chier dessus là. Bon des oursons guimauves pour Polo. Mais je mange pas. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ça rase. Des maltésers pour Amina. Ah doucement. Hop là, encore un. Et là, il ouvre la tête. Avec un peu de Scorpio. Après, putain, j'ai un date après. Ah, c'est parfait. Comme ça, il va se demander c'est qui ton mec. Putain, vous êtes relou. Oh putain. Et en plus, ça va s'imprimer dans la moumoute là. Ah, ouais. Ma fourrure. Un cadeau pour Amina. Ah, oh, c'est gentil ça. Vas-y, doucement. Ouais, doucement, bien sûr. Bien entendu, tout ça arrosé va avec du Scorpio. Allez, juste une petite giclée. Oh putain, Amina, t'es pas douée. Hein. Une petite giclée, Amina. Non. Une petite. Allez, juste. Ça pue. Ah, attention, encore un cadeau pour Amina. Ah. Non, ça impose une giclée. Si tu l'as pas, je mets la giclée. Arrête, mon pull sent la merde. Mais c'est pour ça qu'on veut mettre du parfum. Non, à la base, sentait la lessive. Non, tu sens plus la merde, Amina. Si tu l'as pas, hop. Elle tombe vers le bras. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Arrête ton cinéma, l'autre on l'a tué là. Attends, encore un cadeau pour Amina. Attention Amina. Si tu l'as trop. On a l'impression d'être dans Fort Boyard. Vas-y Amina, sors. Amina la clé. Vas-y taf. Ouais, elle a rattrapé. Bon, je rappelle que nous sommes toujours en train de déballer des cadeaux que une auditrice Stéphanie nous a envoyé. Un livre pour Polo. Mais Polo, viens à ma place, tu vas voir si ça pue pas la fin de soirée bizarre là. Un cadeau pour Amina. Non mais doucement. Mais vous m'avez pris pour un érudit ou quoi? Et si tu l'attrapes pas? On se croira au rugby. Ah putain. Ah un cadeau pour Amina. Non mais tranquille, la boîte elle s'ouvre. Celui-là il s'ouvre. Par contre, attends, c'est quoi ce livre Serge Camaille, l'enfant du Carl Abbès là ou je sais pas quoi là. J'ai rien compris. Alors je lis pas ce genre de truc. Le barbarie, je lis pas, c'est quoi ça? Mais c'est pour Amina. Ah ça me. Et enfin, il en reste encore deux. Et encore un cadeau pour Polo. Hop là. Putain mais Polo a été gâté hein. Et encore un cadeau pour Polo. Oh là là. Et ben voilà. Et mais ben déception contre, blague à part Stéphanie c'est trop par contre hein. Merci beaucoup mais il reste encore un paquet qu'on ouvrira tout à l'heure. Des fruits de mer. Mais non, c'est du chocolat. Ah, j'ai eu peur, j'ai dit putain. Bon, alors, parce que moi j'ai aussi les miens. Attends, je déballe en même temps là, ceux qui sont pour moi là. Stéphanie, c'est très gentil, mais. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a trop de mal, je ne sais pas, qui sont ces auteurs inconnus? Jean Sicardi avec l'auberge du gay. Bah, Non, mais c'est pas gay, j'ai Y. Hein. Ah, d'accord. C'est gay, le gay, G-U-E. Ah, bah écoute, je lis pas ce genre d'ouvrage. Bon, je lis plus des trucs un peu plus connus comme ça. Je croyais que c'était l'histoire d'amour. Stéphanie, c'est gentil, moi j'ai reçu une gousse de vanille. Ah, bah c'est bien pour cuisiner ça. Bah oui, bah, enfin je ne cuisine pas donc. Bah tu vas ta voiture. Et... Non, je déteste les odeurs dans la voiture. Oh là là. Ah non, non, c'est bien. Tu veux pas que je te mette un peu de scorpion? Non, non, bah alors là, mec. Oh! Alors ça, c'est bon ça. Hop, merci Stéphanie, deux boîtes de Ferrero Rocher. Ah, parfait. Bah voilà, tu vas pouvoir les bicraves. Parfait. Au jour de l'an. Mais non, mais que tu racontes. Mais j'ai eu plein de trucs. Par contre, c'est cool, des trucs Yves Rocher et tout, avec un petit renard et tout, c'est trop mignon. Ah, moi aussi j'ai eu. Ah, mangue. Tiens, Mina, arrête! Moi j'ai eu mangue et coriandre. Ça, soit t'as un coup de scorpion. Non, arrête! Arrêtez! Scorpion! Scorpion! Non, mais arrête, ça pue sa bite! Ah, voilà, je vais les mains! Ah, ça schlingue, ça passe! Voilà! Tiens, j'ai l'impression de faire la bise à mon oncle! Chier. Bonjour, tonton Amina! Je l'embrasse! C'est vrai que ça. Et pour fêter ça, scorpion! Ah, putain! Scorpion derrière! Arrête. Attention, il y a scorpion! Scorpion devant! Moi je ramasse le cadeau, je me casse! Scorpion à droite! Et n'oublie rien, sinon! Voilà, bon, la vidéo est sur MIKL officiel. Si vous voulez voir sur Instagram, n'hésitez pas à vous connecter, je vais vous la poster dans quelques minutes sur Facebook également. Putain, arrête, j'ai les poils du pif qui se désintègrent pour de vrai là! Je crois que j'allais dire j'ai les poils de la bite! Ah. Et pour fêter ça, arrête, les yeux. Eh mais calme ton pote là. C'est vous qui allez rester dans cet enfer. Non, ça va péter et tout. Oh, le date avec le mélange de parfums immondes. Oh là là là là. Scorpion. Il y a une vitre, Amina. Il y a une vitre, ouais. Bon, allez. En tout cas, merci Stéphanie, encore une caisse après. Donc ouais, là, je m'inquiète parce que j'ai quand même vraiment des pensées trop, oui. Beaucoup trop. Faut pas déconner, c'est super gentil. Hein, mais surtout pour des connards comme nous. Quoi. Mais oui, en plus, effectivement, allez, surtout et polo. Pour remercier Stéphanie. Non, Scorpion. Voilà, bon, on va s'écouter Big Flo et Oli. On va récupérer les deux Ethan dans un instant. Big Flo et Oli. Big Flo et Oli, le truc de. On va écouter Big Flo et Oli. Il y a Big Flo et Oli, la merde. Très bien, ils vont être contents, tiens. Oh putain. Bon, allez, 22h24. Car il y a les appels bienveillants qui arrivent également et on se fera le jeu des 10 mots dans un instant sur NRJ. Big Flo et Oli, tu connais non? Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux, que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On me disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Plus tard, et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard, et je comprends pas. Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, des photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard, et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard, et je comprends pas. Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. On disait, tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard, on disait, plus tard. Change, j'ai l'impression d'être chez Sephora là. Putain, il y a des odeurs de parfum, ils sont en train de se battre. Amina qui met son parfum à la gueule de Toff. Toff qui met son Scorpio, je vais gerber, j'ai je mal au crâne. Je peux plus respirer. Noël. Comment ne pas aimer Noël? Et pourtant, Mickaël déteste Noël. Trop de joie. Toff aime Noël. Mais il souffre de dépenser tout cet argent. Polo est neutre. Normal, il n'a pas d'amis. Amina surkiffe Noël. Ah, elle a trop d'amis, des vrais, des faux, des jeunes et des gros. Un Noël réussi. Ça se passe sur Énergie. De 20h à minuit. Et sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Voilà, regardez ça, il y a un vrai jardin d'enfants, quoi. Oh là là, c'est un vrai jardin d'enfants, j'en peux plus, je n'en peux plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a eu baston là dans les couloirs avec Amina. Un vrai jardin d'enfants. On l'a quoi. Coursé, ça pue sa race. Non mais c'est abusé, et il m'a enfermé dans un bureau tout à l'heure là au fond dans un par studio. Contre, que personne n'allume une allumette ou un briquet. Ah ouais, ah ouais. On va sauter là. Ah là, là, là, je te confirme. Bon, tout ça pour dire que dans une minute, on fait le tirage au sort sur Instagram. Si vous voulez gagner la Nintendo Switch, bah maniez-vous, il vous reste une minute pour vous inscrire. Je tirerai au sort et je donnerai le nom du gagnant ou de la gagnante dans un instant. M-I-K-L officiel, venez me follow. Donc, Nintendo Switch a gagné. Je donnerai le nom du gagnant ou de la gagnante à l'antenne. Il ou elle aura 15 minutes pour nous appeler au 01 40 71 5000. Bon, il y a Axel qui dit un grand moment qui est de fou rire. On s'est bien marré. Toff est un génie, mais pauvre Amina, elle mérite une victoire de dédommagement. Oui, alors, là, elle a pollué le studio là aussi. Il n'y a pas que moi. Non, je sais bien qu'il n'y a pas que toi, mais quand même, faut quand même pas déconner à un moment ou à un autre. Je veux dire, ça va 5 minutes. Ah, non, quel cauchemar. Ah, bah, je te confirme, j'allais le dire, quel cauchemar. Oh. Pouah, putain, j'ai la gorge qui pique, j'ai l'impression d'être chez Sephora quoi. Ouais, bah moi aussi, et tout à l'heure je vous disais la même chose. Oui, elle abuse, chais, bien fait pour vous. Chais. Vous allez voir. T'es pas normal. Ah, c'est horrible. T'as un problème. Putain, ah bah bon, maintenant oui, oui. Jordan qui dit le dernier paquet, c'est la facture que Stéphanie vous a gracieusement jointe. ça, franchement, ce serait énorme. Ce serait énorme et en plus, et si c'est le cas, Toff s'engage à la payer. Grave. Intégralement. Il est engagé là. Intégralement. Je l'ai jamais vu comme ça. Pas voilà. De problème, mais je vous garantis que je vide les deux bouteilles sur Amina. Ah bah parfait. Oh, non mais c'est une blague ou quoi? D'accord. J'ai rien à voir dans l'histoire. Parfait, elle a validé. Je suis totalement d'accord. Vous êtes trop lourd. Bon, tu fais le tirage au sort ou je le fais, Amina? Bah vas-y, là, moi je suis indisposée là. Bah vas-y alors. Bah, oh là là, bon, vas-y. Vas-y, tu peux le faire. Bah, il est 22h30 là, vas-y, tu peux faire le tirage au sort. J'ai les vapeurs. Ah, bah, ouais, ça c'est sûr, effectivement. T'es en chaleur? Non, pas du tout là. Amina, bon. Fais pas la main, regarde ce que j'ai dans la main. Oh putain, le Scorpio. Eh bien, la mère. Eh ben, la mère. Je crois qu'il est. La personne donc qui a été tirée au sort, c'est. Juste J-U-S-T underscore Q-T-N. Donc juste underscore Q-T-N. Q-T-N. Bon, juste underscore Q-T-N, c'est le pseudo sur Instagram. Si tu te reconnais, tu as donc maintenant 15 minutes, il est 22h31, donc 22h46 pour nous joindre au 01 40 71 5000. Évidemment, n'appelez pas tous pour vous faire oui, c'est moi, juste. Évidemment, on vous demandera de poster quelque chose, d'écrire quelque chose avec votre compte, tout oui, ça, tout oui, ça, bien entendu. Sûr. Donc n'essayez pas de faire perdre du temps à Chéri qui est au standard. Oui, sinon je vous retrouverai. Voilà, et ça va être la guerre. Je viendrai chez vous avec du Scorpio. Exactement. Voilà, donc juste underscore QTN sur c'est Instagram. Ça. Si tu as joué et que tu entends ton pseudo à l'antenne, eh bien tu nous appelles, tu as jusqu'à 22h46 précise pour nous appeler au 01 40 71 5000. Dans un instant, The Prince Karma. Mais avant cela, les appels bienveillants, Christophe. Ah. Et puis on va prendre Alexandre également dans un instant à Chambéry. Appel bienveillant avec cette information. Dimanche, chez un homme qui était arrêté devant la Maison Blanche parce qu'il a sorti son sexe devant les grilles du parc. Il a donc été arrêté. Il va être jugé pour outrage à la pudeur. ou atteinte à la pudeur, c'est comme vous voulez. En tout cas, les deux se disent. Après enquête, hein, on travaille pendant deux heures là-dessus. Et donc, Tof, tu vas annoncer la nouvelle à tes amis ? Bah oui, allons-y. Et on y va grâce au numéro que vous avez envoyé sur toph@energie.com. C'est parti, on y va. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Bonjour. Oui, je vous appelle, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà pratiqué l'exhibitionnisme, monsieur ? Ah, toujours, tout le temps, j'aime bien. Ah oui, bah faut faire attention, monsieur, hein, parce qu'il y a encore quelqu'un qui vient de finir en prison à cause de ça. Hein. Ah mince. Oui, il a montré son sexe devant la Maison Blanche. Ah bah oui, bah, ça c'est pas bien du tout. Bah oui, voilà, c'est pour ça, donc du coup, faites attention à vous, quoi, monsieur, hein, si vous pratiquez. Ouais, ouais, je vais éviter ce genre d'endroit, je ferai ça ailleurs. Voilà, faites ça dans des endroits plus discrets, quoi. Voilà, dans les écoles, tout ça. Bah, par exemple, voilà, c'est une très bonne idée. Au moins, il y a moins de risques. Voilà, c'est ça. Non, en fait, faut pas faire ça non plus, monsieur. Enfin bon. Ah non, mais faut pas le faire du tout. Bah non, monsieur, c'est interdit. Hein, où est-ce que vous avez la tête ? Ah, je crois savoir ce que c'est, ça. Ah, qu'est-ce que c'est ? Je suis en train de chercher. Vous cherchez quoi ? Ah bah c'est qui appelle ? Tof, monsieur, moi je m'appelle Tof. Tof ? Oui, c'est okay. Ça, c'est mon nom. Enchanté, Tof. Bah, enchanté, monsieur. Bon, hein, donc vous ne ferez plus d'exhibitionnisme, hein, monsieur, c'est non, pas bien. Je vais arrêter, j'arrête. Voilà. Ouais, c'est décidé, dès ce soir, bon. je vais arrêter. Bon, bah, je suis fier de vous, monsieur. Bon, ah, allez, merci, passez une bonne soirée, monsieur, au revoir. Merci, au revoir, bonne soirée. Bon, bah très bien, bah, au moins il était poli. Hein. Oui, je l'ai remis dans le droit chemin. Exactement. Bon, on appelle un autre. Oui, allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Oui ? Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce que vous aimez pratiquer l'exhibitionnisme, monsieur ? Ouais, vous sortez d'où encore, vous ? Pardon ? Vous sortez d'où encore, vous ? De Paris, monsieur. Ah, ok, d'accord. Bah, c'est très bien pour vous. Bah, je vous remercie, mais alors ça répond pas à ma question. Bah, j'ai pas envie de répondre à ce genre de questions, donc je sais pas pourquoi vous m'appelez. Hein. Bah, pour avoir la réponse, monsieur, c'est logique. Ouais, bien sûr. Bah bon, oui. Ouais, si vous pouvez crever la gueule ouverte aussi, ça m'arrangerait, ça. Oh non, monsieur, non, pas de ça entre nous. Enfin, ça se dit pas des choses comme ça. Non. Oh non, juste un peu. Bah non, monsieur, enfin, pas du tout. Vous m'appelez, vous me dérangez, vous me cassez les couilles. Pas du tout, c'est monsieur. Pour demander ça. Moi, oui, je vous appelle gentiment, je vous pose une question, vous y répondez, on n'en parle plus. Oui, bien sûr. Allez, bonne soirée. Bah non, monsieur, allô. Bon, allez hop, on appelle un autre. Pas un autre, on le rappelle, pardon, je veux dire, excusez-moi. Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. Ouais, salaud. Oui, parce que du coup, vous m'avez pas dit alors si vous aimiez l'exhibitionnisme. Et toi, t'aimes la grosse bien, ton cul ? Non, pas du tout, monsieur, pourquoi vous voulez que j'aime ça ? Bah, t'es enculé. Oh non, monsieur, non, pas de ça entre nous, enfin, ça se dit pas des choses comme ça. Eh ben, décidément, hein, et sympathique, autant le premier était poli, autant ouais, là, tout part en couille, on rappelle. Allô ? Oui, monsieur, enfin, ça se dit pas des choses comme ça, enfin, c'est très vulgaire. Non, par contre, ce qui est possible, c'est de ramener le téléphone à un commissariat, ils vont retrouver votre numéro de téléphone et de porter plainte. Bah oui, monsieur, mais ça répondra pas à la question, ça. Ça ne répondra pas à la question, et par contre, vous allez recevoir une petite lettre d'un avocat qui vous dira exactement quand vous rentrez devant un tribunal pour répondre de vos actes. Oui, mais vous voulez pas plutôt répondre à la question, comme ça on gagne du temps, il n'y a pas besoin de déranger tous ces gens. Bah justement, vous dérangez là, vous êtes déjà la troisième personne que vous dérangez. Bah non, pas du tout, monsieur. Moi, je vous appelle, je vous pose une question. Parce que là, je suis une deuxième personne, c'est pas la même personne que tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Mais enfin bon. Ah oui, donc ferme ta gueule, mon gars. Bah non, monsieur. Ferme ta gueule. Bah, enfin, arrêtez, monsieur. Tu l'as où ce numéro ? 118-218, monsieur Toutou Youtou. Toutou Youtou ? Oui. Vous connaissez Toutou Youtou ? Non, visiblement, il connaît pas très bien Toutou Youtou. Ça a pas l'air. Non, bah non, on va le rappeler. Hein. Messagerie orange. Oh merde. Ah bah voilà. Bon, et bah. Voilà, bon, il connaît pas. Eh bah, on va pas le rappeler du coup. Hein. Pas trop l'intérêt. Hein. Et bah, c'est rien. Oui, bon, on a compris. C'est la messagerie orange. Eh ben, c'est pas grave. On en fera l'autre dans moins d'une heure. Vous avez des numéros à proposer. Vous pouvez les envoyer sur toph@energie.com. Et on va s'écouter le son de Prince Karma maintenant sur Énergie. On revient après avec Alexandre notamment, qui a apparemment a un souci avec sa femme. Bon, on en parle dans un instant. Et puis, on va faire un tour du côté du standard pour voir s'il y a des nouvelles ou pas de notre ami gagnant. Pas de nouvelles. Très bien, on va voir ça. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits so you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Bitches. Bonne soirée sur Énergie. 22h39, reste 6 minutes au gagnant pour nous joindre au 01 40 71 5000. Amina, où est-ce qu'elle est encore? Mais où est-ce qu'elle est encore? Oh là là. Amina, c'est quoi le nom du gagnant? J'ai oublié. Juste underscore QTN. Ah voilà, juste underscore QTN. Voilà, si tu te reconnais, tu as donc gagné sur Instagram, car tu as liké, commenté, bref, comme il fallait faire. Donc voilà, tu as donc jusqu'à 22h46 pour tenter de nous joindre au 01 40 71 5000. Si tu y arrives, tu gagnes. Sinon, eh bien les autres, restez bien au taquet, car on pourrait remettre la Nintendo Switch en jeu. Une fête, du bonheur, des jouets, des décos, un sapin, un Père Noël, des lutins, une crèche, un traîneau, des cadeaux, une bûche et une dinde. N'importe quoi, Jean Michetot là. Noël sur Énergie, c'est avec Mickaël. Dès 20h. Et sur Facebook, Twitter et Instagram. Mickaël officiel. Exactement. Bon, alors, dans quelques minutes, bah, David Guetta, je l'avais promis. Et puis, nous allons. Il y a Red qui dit aussi, Red Robin, qui dit salut les meilleures équipes de Noël. Salut. Vous êtes déjà là? Bah, depuis 20h. Oui, oui, on est déjà là. On a déjà ouvert les cadeaux, tout ça. Enfin, plein de cadeaux que Stéphanie, l'auditrice, nous a envoyés. Charlingal qui dit confie mon adresse à Stéphanie. Moi aussi, je veux recevoir des colis. Ah, bah ouais, là, pour le coup. C'est trop. On nous a pas volé, hein. Là, vraiment, vraiment, vraiment. Bon, il y a la vidéo du déballage de cadeaux, la première salve et la seconde, qui est disponible sur Instagram et sur Facebook, M-I-K-L officiel. Et puis, ben, on va prendre Alexandre, qui est avec nous maintenant à Chambéry. Bonsoir, Alexandre. Oh. Ça va? Ça va, et vous? Très bien, très bien. Alors, Alexandre, donc, tu appelles de Chambéry et tu nous appelles pourquoi, dis-moi? Eh ben, tout à l'heure, vous parliez des petits problèmes d'érection ou autre. Ah oui, c'est avec un auditeur, Joël, de 60 ans, qui avait des problèmes. Ouais, voilà, qui se rendait compte aujourd'hui qu'il avait des problèmes d'érection à 60 piges. D'ailleurs, je vais demander à Toff la démarche à suivre. Bah, c'est simple, en fait, j'ai c'est la marche. Depuis, j'ai tout un escalier. Non, mais blague à part, blague à part. Ouais, donc moi, j'appelle parce que justement, moi, j'ai aucun problème d'érection. Tout marche bien à ce niveau-là. Mais justement, moi, mon problème, c'est la relation que j'ai avec ma femme. Donc, c'est-à-dire En fait, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. On est fiancés, tout se passe bien. Mais depuis octobre, j'ai pas eu de relation sexuelle avec elle. Ah oui, ça date un peu quand même, effectivement. Vous faites abstinence ou... Mais pourquoi? elle veut pas, elle a des problèmes. À chaque fois que j'ai essayé, après moi, étant donné que je suis dans le milieu militaire, du coup, j'en ai discuté avec mes collègues, donc on se demande, donc on en a. Tu peux en discuter avec tes collègues sans pour autant être dans le militaire, hein. Ouais, mais c'est plus facile d'en parler dans le vestiaire, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est éviter de parler avec ses copines, par exemple. Ouais. Du coup, j'en ai parlé avec mes potes et du coup, ils se disaient, écoute, ça se trouve, elle te trompe. Du coup, moi, je me suis fait des films. Du coup, moi, je suis directement allé poser la question et apparemment, non. Mais à chaque fois que j'y vais, à chaque fois que je fais une approche, à chaque fois que je fais une caresse ou autre, pas qu'elle me repousse, mais elle me dit qu'elle a mal quelque part, qu'elle a mal à la tête, c'est bizarre. Qu'elle a mal au ventre et tout. Ouais, c'est. Ah ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors, soit il y a un truc. C'est bizarre, hein, comme plan, parce que ça peut être effectivement qu'elle aille voir ailleurs. C'est possible, alors c'est pas automatique, hein, loin de là, mais bon, c'est possible. Soit peut-être qu'elle est. Quel âge est-elle, elle? Elle a 22 ans, elle. Ah, il a 22 ans, pourtant c'est jeune, hein. Toi, t'as quel âge? 21 aussi, putain, c'est ouf. Ouais, j'ai 21. Ouais, parce qu'en général, tu peux avoir ça, tu sais, quand t'es marié depuis 20 piges, tu vois. Enfin voilà, quand il y a une routine qui s'est installée. Mais au début, là. Enfin, c'est tôt quand même pour que tu baises moins. Appelons un chat, que tu baises moins que les premiers jours, que les premières semaines, c'est normal. Yes. Voilà. Mais là, quand même, c'est-à-dire qu'une fois, ça t'as plus rien fait depuis 3 mois, ça fait beaucoup. Bah ouais, moi j'ai eu une ex qui était complètement en info, on se voyait même pas, on était constamment en train de baiser, donc moi c'est bien un jour, deux jours, mais bon voilà, que quand on se voit quasiment entre, on se voit. T'as son numéro? Bonjour, c'est. Hein, t'as son numéro? Amina, fais pas la maline. Scorpion, allez. Non, mais moi je suis assez respectueux. Pendant 4 ans, j'ai pas trompé ma femme, et voilà, moi pendant. Waouh, putain, on devrait décerner un diplôme, je pense. Non, mais c'est pas ça, mais il dit simplement qu'il a des envies et qu'effectivement, s'il y a rien qu'elle veut jamais, parce qu'à chaque fois elle a une mal au crâne et qu'elle veut pas expliquer pourquoi, je peux comprendre que tu. Je dis pas qu'il faut le faire, je peux comprendre que commences à dire putain, merde quoi, j'ai 21 ans, j'ai aussi envie, j'ai des envies et ma femme peut pas me donner ce que j'ai envie, donc. Que faire? Et là, t'es dans la merde, parce qu'elle ne pas quoi faire. Peut-être qu'elle n'est pas fan, peut-être que ça se passe mal, tu vois, que voilà. Mais justement, mais pour ça, il faut qu'elle le dise quand il lui pose la question, et pas simplement à chaque fois dire, j'ai mal au crâne, j'ai mal au ventre, j'ai mal ci, j'ai mal ça. Ouais, je suis carrément pour écouter les conseils d'Amina, parce que justement, c'est étant donné que c'est une femme, voilà, moi, je suis carrément pour écouter les conseils d'Amina. Ah, voilà, non, c'est pas une femme, c'est une chérie. Oui, une chérie, j'ai peur. Je vais dire que c'était une chieuse, mais non. Je suis carrément OK pour écouter la chérie. Alors, attends 2 secondes, Alexandre, parce qu'il est 22h45 et qu'il reste 1 minute pour Quentin. On a Quentin? Yes. C'est pas vrai. Quentin? Oui. T'as perdu. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est trop tard, là. Allô? Quentin? Oui. T'es là? Oui. Ouais. T'as quel âge? 14 ans. C'est pas grave, hein, Quentin, t'inquiète pas. Ça arrive à beaucoup de gens. Tout le monde y est passé normalement. Bon. Est-ce que Quentin a appelé dans les temps, Amina? Oui, absolument, Quentin a appelé dans les temps. Est-ce que Quentin est le vrai Quentin, juste underscore? C'est le vrai Quentin, après moult vérifications et moult usurpateurs d'ailleurs. Ah ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Voilà, et oui, c'est le vrai. Eh bien, Quentin, bravo la Nintendo Switch pour toi, ma gueule. Merci. Eh ben avec plaisir, Quentin. T'écoutes l'émission souvent? C'est la première fois? Tu joues jamais? Tu joues souvent? Non. J'écoute tout normalement, enfin souvent. C'est compliqué. Tu veux une bouillie ou pas, Quentin? Tu peux dire non, c'est pas grave, hein, on va pas garder la Nintendo pour autant. Hein. Qui êtes-vous, monsieur? C'est juste pendant les vacances, pas trop, mais sinon, oui. Ah, c'est marrant, parce que d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Bah ouais. C'est pendant les vacances, t'écoutes plus longtemps, puisque t'as l'occasion d'écouter plus longtemps, t'as pas cours le lendemain, tout ça. Eh ben écoute, c'est pas grave, quoi qu'il en soit, Quentin, t'as gagné, c'est le principal. Joyeux Noël. Fidèle à l'énergie, joyeux Noël, tout ça, évidemment. Et puis, on va prendre tes coordonnées pour t'envoyer la Nintendo Switch rapidos. Bravo. Salut, Quentin. Salut. Allez, à bientôt. Bon, et en parlant de cadeaux, on va encore filer tout à l'heure aussi l'enceinte Echo de chez Amazon. Pour ça, il faut évidemment attendre que le double hit de DJ Snake passe. Si vous l'entendez 39-37, vous appelez, vous tomberez sur Amina probablement. Et si vous êtes dans les premiers, vous aurez toutes les chances de gagner. Et on a encore la trottinette électrique à vous offrir avec le jeu des 10 mots. Bon, du coup, Alexandre, reste avec nous. Si, comme Alexandre, vous avez aussi une femme, ou si vous êtes une femme et que vous avez un mec, c'est plus rare, mais ça peut arriver, qui, il n'a plus envie de rien

pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo. Say my name, if you love me, let me heal. Say my name, I am dying to believe you. I feel alone in your arms, I feel you breaking my heart. Say my name, if you love me, let me heal. Bonne soirée sur Énergie, presque bonne nuit d'ailleurs, 22h52 dans un instant, Jérémy Frérot. Et puis bah, nous allons récupérer Alexandre et Ethan également sur Énergie. Bonne fête et joyeux Noël sur Énergie. Et sur Twitter, Facebook et Instagram. Et Mickaël officiel. Mickaël sur Énergie, dès 20h. Exactement. Bon alors, nous sommes toujours en direct évidemment, on remplace Aymeric parti en vacances. Du coup, depuis cette semaine, nous sommes là de 20h à minuit. Semaine prochaine, on récupère notre place, bien entendu. Alexandre, le retour dans un instant, qui est avec qui a un souci forcément. Il est avec sa femme. Ils vont bientôt se marier. Ils sont fiancés, tout ça. Et bon, en fait, elle veut jamais coucher avec lui. Ça fait depuis 3 mois qu'il ne sait plus rien passer. À chaque fois, c'est ah mais j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal ci, j'ai mal ça, j'ai pas envie. Du coup, bah il se pose des questions au point de se demander si à un moment il irait pas voir ailleurs. Ce qui est compréhensif. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais c'est compréhensif de se poser des questions. Donc, du coup, Alexandre, on va te reprendre dans un instant. Avant ça, Ethan est avec nous. Le doux samouraï. Ah, bah, il manquait plus que lui, tiens, ça faisait longtemps. Le doux samouraï. Allô? Ah, bah voilà. Oui, bah, je t'entends, là. Oui, bah, et dis donc, il va redescendre, le doux samouraï, là. Hein, il se la ramène, hein. Non, mais attends, pour qui se prend celui-là, alors? Dois-je te passer chez Polo pour te remettre d'équerre ou pas? La menace, tu sais. C'est comme, tu vas aller chez le principal. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, alors, doux samouraï, qu'est-ce qui t'amène, ma gueule? Donc, je voulais... en fait, j'ai eu une relation avec une fille qui a occupé la... J'ai eu peur quand t'as commencé à dire avec un... Non, t'inquiète. Bon. On saura plus. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai été en relation avec une fille pendant 7 mois, donc qui a occupé la plupart des mois de l'année 2018 jusqu'à juin. Et elle m'a largué, mais pas totalement, parce qu'elle m'a dit ouais, je préfère notre relation d'amis, mais en fait elle m'a pas dit clairement c'est fini, je te largue. Donc je sais pas. Et puis il y a quelques temps, j'ai recommencé à penser à elle et tout ça, parce qu'on est elle a eu des petits problèmes en ce moment, donc j'ai commencé à revenir sur elle. Et du coup je me demande si je dois tourner la page ou si je dois revenir avec elle, parce qu'elle m'a pas techniquement dit que c'était terminé. Je sais pas, j'aimerais avoir un conseil de pro et d'expert. Ben, il faudrait peut-être simplement penser à lui demander. Ouais, mais elle m'a dit je sais pas, tout ça. Par contre, je veux savoir pourquoi le standard est en train de m'appeler. Mais qu'est-ce que... Ethan? Non, mais on t'appelle pas, Ethan. Bah si, je suis en double... Là, il y a quelqu'un qui m'appelle. Là. Oui, ben bah, alors, autre. Ethan, il n'y a pas que nous qui appelons en numéro masqué. Oh là là. Bon, ouais. Moi je pense qu'il faudrait simplement lui demander, peut-être, Ethan. Et sinon, alors après... Et qu'est-ce qu'elle a dit? Vacances, okay, mais bon, quand même. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ouais, je préfère notre relation d'amis, je suis désolée. Et bah voilà, l'affaire est classée, Ethan, oui, si vous emmerdez. Elle a pas. Oh, ça va. Elle a... Il a raison. Oh, comment il va. T'as calmé Mickaël en 2-2 là. Mais non, mais attends, mais elle t'a répondu, Ethan. C'est toi qui fais du cinéma là. Oui, mais je ne sais pas. Bah, si tu sais, elle te l'a dit. Pour moi, d'après mes copains et moi, elle a pas répondu clairement. Je dis, c'est fini, je te largue, go work. Elle a quel âge, cette fille? Elle n'ose pas le faire, c'est comme ça. Elle a quel âge? La réponse en un mot qu'elle a demandé, c'est je sais pas. Elle a quel âge? 13 ans comme moi. Mais voilà, donc tu peux pas lui demander. Elle t'a dit je sais pas, parce qu'elle est, perturbée. Enfin, elle sait pas en fait. Tu peux pas lui prendre la tête alors qu'elle a 13 ans, cette pauvre fille, tu vois. Non, mais lui aussi il a 13 ans et du coup il a bobo au cœur, tu vois. Il a bobo au cœur, c'est bon, bah il va se relever et puis il va faire sa vie, il va pas nous emmerder là. Oh, il va en pêcher une autre. T'es un doux là, tu vas pas nous faire chier. Non, moi je pense qu'elle veut te garder quand même sous le coude, mais elle est pas sûre de ce qu'elle veut, tu vois. Fais pas le malin ou je te récite du Jean Sicardi, l'auberge du guet. Attention, c'est un ouvrage, le bâtiment scolaire se nichait à l'égard du village. Ah oui, attention, c'est un accord de fer maquillé par la municipalité. Tu sais que moi j'aime bien lire des livres, moi ça. Ouais, mais pas Jean Sicardi. Je voulais savoir, est-ce que je pourrais avoir une copie du Grimoire des Douze, parce que j'aimerais non. bien savoir. Non. Non, c'est un grimoire, mais en fait c'est un truc écrit à la main et ça. Il n'y a pas de copie. Ouais, il n'y a qu'un seul exemplaire. Bah, au moins me faire une liste des. Non. très bon. Mais du coup, je voulais savoir comment je faisais. Est-ce qu'elle m'a pas dit clairement? Elle m'a dit, je sais pas. Moi, je pense que tu devrais attendre la rentrée. Qu'est-ce que je dois penser? Bah, tu dois attendre la rentrée. Genre, fais-toi un peu oublier. Bah, c'est déjà la rentrée. Enfin, non, c'est mais c'est pas maintenant la rentrée, tu fous ma gueule ou quoi? C'est la semaine prochaine. C'est le 7 janvier. Voilà. Je faisais la rentrée de septembre. Oh là là. Bon, oh, bref. Donc, je comprends pourquoi elle est un petit peu floue, cette fille. Oui. Et donc, à la rentrée, tu lui dis voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est encore ensemble? Oui ou non? Basta. Mais là, fais-toi un peu oublier. Comme ça, il va se dire ouais, pourquoi il me relance pas, tu vois? Fais le mec mortel un peu. Fuis-moi, je te dis. Bah, c'est vrai, c'est la base. Je me suis déjà fait oublier depuis 3 mois. J'ai quitté le groupe en septembre en pensant que. Hein, quel groupe? Depuis, j'ai trouvé d'autres potes. Le groupe de rock. N'importe quoi. Et depuis j'ai trouvé d'autres gars sympas. Et puis ah, ça bah fait 3 mois là que t'as pas de nouvelles. Ah si mais on s'est relancé il y a pas mal de temps, vu que il y avait un affaire avec une copine à moi qui avait des petits problèmes. Du coup j'essaie de la régler avec mes copains. Et est-ce que tu pourrais arrêter Ethan de régler les problèmes de tout le monde? L'autre On en a déjà parlé au grand, si vous voulez savoir ça. Oh là là là là, sans déconner quoi, c'est un truc de ouf. Bon. Après ouais, ça fait 3 mois par contre, j'avoue, c'est bizarre hein. Ethan, je crois que c'est simplement qu'elle a plus envie, point barre. Si jamais elle a envie, elle reviendra vers toi, elle est pas débile hein, Ethan. Bah ouais, mais je sais pas moi. Et puis surtout, je viens de te le dire, te prends pas la tête maintenant mec, hein, ça va déjà être assez compliqué plus tard. Ouais. Même si vous avez raison et que c'est terminé, est-ce que je dois essayer de la reconquérir? Est-ce que je commence à Si tu la kiffes vraiment, oui, essaye. Voilà, ça oui, tu peux. Oui, je la kiffe vraiment, bah oui. Bah voilà. Eh ben mais non, là, Michael te dira que ça sert à rien, que de toute façon, dans 6 mois, t'en rencontreras une autre. Ah oui, ce sera pas la fin de ta vie, Ethan, à 13 ans, t'inquiète. Hein. Voilà, donc passe à une autre tout de suite. Et déjà, ça commence mal, hein, elle a pas envie, elle veut pas, elle veut plus. Ouais, mais c'est normal. C'est bah... normal, c'est une vraie meuf. Oh. Bon, à Ethan. Tous âges, hein, c'est comme ça. Ethan, moi, effectivement, je laisserai pisser. Et puis, laisse pisser le mouton, comme on dit. Oh. Et puis après. L'amour est dans le pré ici. Hein. Et puis après, tu verras bien, Ethan. C'est une façon de parler, pisse, va pas pisser. Oui. Elle, hein. C'est une façon de parler, Ethan. Et laissez les moutons tranquilles. Évidemment. Bon, tu nous tiens au jus, Ethan. Allez, garde à vous, doux samouraï. Bon. Allez, rompez. J'aimerais ramener devant elle avec un scorpion. Non, surtout pas. On l'a essayé avec Amina, ça marche moins bien. Bon, repasse d'ailleurs. Salut le doux samouraï. Salut petit doux. Au revoir. Allez, au revoir le doux samouraï. Bon, je rappelle que les doux sont les auditeurs d'énergie qui ont moins de 14 ans et qui n'ont pas encore mué, bien entendu. Bon, on va s'écouter le son de Jérémy Frérot maintenant. On revient juste après. On va jouer au jeu des 10 mots. Si vous voulez jouer, 01 40 71 5000. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait. Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer. Mais pousser les nuages, nous devons y passer. Penser à lever sur cette lune les yeux pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Éternel. Non, non, non, le temps a abjuré sans peur du sel, le naturel. D'une note passée, penser à lever sur cette lune les yeux pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir. C'est plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Ceci n'est pas un au revoir. Je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Et si tu as peur? Regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir. Je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Ceci n'est pas un au revoir. Je pensais plus du haut. Revoir. toutes les nuits, 01 40 71 5000. Bienvenue à vous. Les décorations se sont installées sur la ville. Habillée de son vêtement d'hiver, la ville est en fête. La magie de Noël. Le bonheur d'être réunis. Profite du moment présent. Mickaël, Toff, Polo et Amina vous souhaitent de bonnes fêtes et un joyeux Noël. Sur Énergie, dès 20h. Exactement. Allez, allez, hop là, on y va maintenant. Nous allons jouer ensemble au jeu des 10 mots. Encore une embrouille, ça va être bien. Alors, enfin je dis embrouille, future embrouille évidemment. Ouais. Bon, alors, le jeu des 10 mots, c'est très simple. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nous écouter, bon, le jeu des 10 mots, d'habitude, on le fait le mercredi, comme aujourd'hui. Sauf qu'on le fait vers 1h50 du matin. Bon, là, cette semaine, on est à 20h à minuit. Donc du coup, bah, 23h, les gens ne connaissent peut-être pas le jeu des 10 mots. Donc, le jeu des 10 mots, c'est simple. Deux auditeurs vont choisir quelqu'un dans l'équipe qu'ils vont, avec qui ils vont jouer, tout simplement. Comme là, par exemple, il y a Axel. Ouais. Bonsoir. Salut. Axel. Comment ça va ? Ça va, tranquille. Très bien. De l'autre côté, Manu, t'es avec nous à 3. Salut Manu. Salut. Salut Mickaël. Comment ça va ? Ça va, ça pourrait aller mieux, ça pourrait être pire. Ça pourrait aller mieux, bah écoute, très bien. Et donc le jeu des 10 mots, c'est simple. Vous allez, Manu et Axel, choisir quelqu'un dans l'équipe avec qui vous allez jouer. Et bah, si vous choisissez Manu, par exemple, choisis Toff, j'en sais rien, Mina ou Polo, peu importe, il va... Enfin, ou elle en l'occurrence, essayer de te faire deviner jusqu'à 10 mots. Il faut arriver à trouver plus de mots que votre concurrent pour gagner. Ok ? Ok. Très bien. Okay. Et exceptionnellement, le jeu des 10 mots est filmé, hein, si vous voulez voir. Télévisé. Exact. Tu vois ? Sur MIKL officiel. Voilà. Alors, bah, on va commencer par Manu, puisque tu es sur la ligne 5, Axel sur la 6. Donc Manu, tu peux choisir en premier avec qui tu veux jouer. Eh bien, je vais prendre Toff. Très bien. De l'autre côté, quel mauvais choix. De l'autre côté, Axel, tu veux jouer avec qui ? Moi, je vais te prendre toi, Mika. Très bien, parfait. Oh, Amina est double très mauvais triste. Choix. Un dégueuliton. Oui. Amina est très très triste. Ah, ça va être à vomir là, si on veut dire. Axel, là. Attention, oh là là. On y va. Ah oui, d'accord. Pardon, Axel, tu peux commencer. Enfin, tu peux choisir si tu veux commencer ou si tu laisses Manu et Toff démarrer. Bah, allez, on va commencer. Fais gaffe, Manu, il y a lui. Qu'est-ce que tu racontes, Manu ? Donc tu laisses sa radio là. Ah, fais gaffe, j'ai vu un radar sur la chatte. Un Tokyo Hockey. Ouais, c'est ça, une CB. Bon. Tu nous redonnes pas les règles, Mickaël, au cas où ? Bah, je vais le dire. Non, mais peut-être encore une fois, non ? Bah, non, c'est bon. Bon, Axel, tu choisis une liste de 1 à 5. Tu veux laquelle ? On va prendre la 2. Liste numéro 2. Allez, hop là. Est-ce qu'il y a un thème ? Oui, quel est le thème, Toff ? Les 50 mots les plus bizarres de la langue française. Génial. Non, les plus moches de la langue française, pardon. C'est un classement qui a été fait par les internautes. Les 50 mots les plus moches de la langue française. Les internautes, il n'est pas dedans ce mot-là ? Je déteste ce mot. Non, internaute n'est pas dedans. Ah, oh, il est horrible. C'est dommage. Oh là là là là. Mais il y en a des très très moches. Hein. Internaute et croûte, c'est les deux que je déteste. Ah, peut-être qu'il y a croûte. Merci Amina. Bah, de rien. Ouais. Bon, allez, on y va. Ce qu'il déteste, c'est l'épargne. Épargne. Donc dépenser, c'est le plus moche pour lui. C'est ça. Ouais. Ni l'un ni l'autre. Ouais. Bon, on y va, Axel. Sois bon, efficace. Et puis, bon. Essayer, bon ouais. Ok, très bien. On y va, t'es prêt ? Une minute maximum et je dois essayer de te faire deviner les mots. Et donc, c'est filmé sur l'Instagram. MIKL officiel. Venez me follow si c'est pas encore le cas. Vous allez pouvoir voir tout ça en live. Mauvaise chance, Mickaël. Merci, Amina. On y va, t'es prêt ? Allez, go. Allez hop, attention, il est où le bouton ? Il est là. Top ! Alors, oui, au Portugal, c'est un poisson, c'est le poisson portugais. Elle peut être séchée, c'est de là ? De la lotte ? Mais non, putain, portugais. Elle peut être séchée, Axel. On dit de là ? Je sais pas. Oh, putain. Sérieux. Bon, quand tu construis une maison, tu prends des briques grises. Bah, on appelle ça comment? C'est... Exactement. Une espèce de saucisse, mais un truc rempli de sang, c'est du. Il peut être noir. Un boudin. Bonne réponse. Quand tu joues au foot, par exemple, tu sais, c'est des potes. Il y en a, il y a une partie qui joue au mini-foot surtout, avec le t-shirt normal. Et l'autre, ils mettent quoi sur le dos? Un basuble. Ouais, exactement. Bonne réponse. Tu peux prendre ta meuf comme ça. Ça ressemble. Avec quoi tu es. Aux États-Unis, Los Angeles, c'est dans quel état? En En Floride. Non, bah non, non, non, pas du tout. Quand t'as un truc, quand t'as un truc dans la gorge, on dit que t'as quoi que tu essaies de cracher, t'sais. Un chat. Non, hein. Un glaire. Eh bah oui, mais trop tard, Axel. Il fallait dégainer plus tôt. Bon, ça nous en fait trois, c'est déjà miraculeux. Au début, c'était une spéciale Portugal ou quoi? Bah non, pourquoi? Boudin, c'est portugais. Bah ouais. Ah bon? Mais j'ai déjà vu, bah moi j'ai déjà vu des gens manger du boudin au Portugal. Ouais, ouais. Non, c'est vrai? Moi je crois que ça mérite un peu de scorpio. Hein, mais non, mais le franchement. Mais non, mais le truc qui. J'avais un pote qui avait pris ça la dernière fois quand je t'avais vu d'ailleurs au Portugal, bref. Genre, pour dire qu'elle va au Portugal, genre. Mais non, mais j'ai pas le choix, il m'a obligé à le voir. Tu sais qu'au Portugal on peut manger des pâtes, hein. Non, mais merci, mais c'est apparemment un truc typique. Et en fait, c'est un truc d'huile et il y a le boudin. Mais c'est du chorizo, qui... c'est pas pareil. Ah ouais, bah. Mais écoute, c'est pas du boudin. Oh, bah pour moi, je sais pas, ça sentait le cochon. Bon, scorpio. Non, non, non, je m'en fous, je vais riposter, Tof, te la ramène même pas. Bon. Dégage. Arrête. Scorpio étant un parfum que nous avons reçu du Lutris. Et donc c'est la guerre entre Toff et... Voilà, pour le Toff on a pris plein la gueule. Bon, ça nous en fait trois. Et pour ton information, Axel, Los Angeles est en Californie. C'est Miami qui est en Floride. Et je voulais te faire deviner Califourchon. Mais voilà, je voulais décomposer. Le poisson, c'était de la morue, mais non, mais Axel. Il met pas de sulfate, il met pas de trucs de silicone, il met du parfum dans les cheveux. Du sulfate. Bon, ça fait trois mots. Axel, je te mets de côté. Autour de Manu maintenant. Manu, tu choisis quelle liste de 1 à 5, sauf la 2. Je déteste. Et ben la 4. Je vais mettre la maladie. La liste numéro 4. Chef, bien fait pour vous. Moi, je suis là toute seule à subir, là, dans le couloir. Si on est sur la lune. Ils sont tous en train de gerber. Putain, je vais ouvrir la fenêtre, sa mère. Attends, faut que je prenne le colis là pour tellement la fenêtre a mal foutu. Bien fait. Voilà. Oh putain. Oh la vache. On joue la merde. Ah oui, on va jouer là. Bon. Bien fait. Vache. Bon, allez hop, on y va, Toff. Une minute maximum, hein, c'est parti. Si je tombe dans les pommes, si t'entends plus rien, c'est que je suis tombé dans les pommes. Bah tant mieux, j'aurais gagné. Alors. On n'est pas dit. Alors, quand tu parles de tes couilles, tu peux dire aussi que c'est des... Burnes. Ouais. Un aigle, c'est quoi comme type d'oiseau? Un oiseau. C'est quoi comme type d'oiseau? Oh là, je sais pas. C'est le Booba, il fait quoi? Booba, hein? Non, Booba, il fait quoi? Il fait du... C'est, il chante quoi? Du rap. Voilà, et donc l'aigle, c'est un... Rapace. Voilà. Le truc blanc que tu peux manger à la cuillère au dessert, c'est du... Yaourt. Ouais, c'est pas grave. Le truc qui pend du nez quand t'es, c'est de là. La morve. Ouais. Morve. Ok.